Bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Hey. Avec un générique que j'ai laissé un petit peu durer parce que j'aime beaucoup ce morceau. On écoutait donc les Dashboard Prophets qui nous chantaient Wearing Me Down, un morceau évidemment tiré d'un épisode qu'on va commenter ce soir. Et c'était pas évident du tout de trouver un morceau qui allait servir de générique, parce qu'il y avait beaucoup de bons morceaux de musique dans les épisodes qu'on va voir ce soir. Je suis donc évidemment Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires, et je suis accompagné pour cet épisode numéro 38, un épisode complètement exceptionnel, hein, parce que c'est pas un, c'est pas deux. Ah oui. Mais c'est trois épisodes de Buffy contre les vampires qu'on va commenter ce soir tous ensemble. C'est trois une épisodes. Première, on n'a pas fait ça encore. Bah, c'est une première, c'est digne des champions du monde. Je suis évidemment accompagné de deux champions du monde des séries télé. Riley Griezmann, champion du monde de la précision d'analyse. Bah merci, bonsoir Sartman, coach, comment allez-vous? Ça va bien? On est champion, tout va très bien. Un coup de pied arrêté, c'est toi notre artilleur. Dès qu'il faut tirer, je suis là. Et il y a aussi avec toi Clément Mbappé, champion du monde de la vitesse du commentaire. Rien ne lui échappe, c'est le premier sur la référence à Evil Dead, évidemment. Tout à fait. Merci, coach. Merci de nous recevoir encore. Donc, alors, trois épisodes. Ouais. Explique-nous un peu le concept de ce podcast spécial vacances, quoi. Spécial été. Déjà, c'est l'été. Donc, c'est le dernier numéro de la saison. Dernier numéro de la saison. On a mangé des brochettes cuites au barbecue. Voilà. Hier soir, on est devenu champion du monde pour la deuxième fois. Voilà. On va essayer de pas trop en faire des cases, il y a peut-être gens qu'on n'a rien à branler du foot, mais moi je suis super fan, donc je suis très content. Et voilà, et surtout aujourd'hui on vous a préparé un numéro complètement incroyable où on va décortiquer les débuts de la série Buffy contre les vampires, donc avec les deux premiers épisodes de la série que tout le monde connaît, Welcome to the Hellmouth et The Harvest. Vous allez voir, donc le premier double épisode qui introduit donc la série. Et en petit bonus, on va commencer même avec le... C'est l'apéro, je veux dire. Voilà, en apéro, on va se faire l'épisode pilote, le unaired pilote, l'épisode non diffusé de la série que vous pouvez trouver sur Internet, qui est un vrai épisode pilote. On dit souvent les premiers épisodes sont des pilotes. Là, pour le coup, ce vrai terme de pilote, c'est-à-dire que c'est un épisode qui a vraiment servi que aux producteurs, que aux professionnels pour voir ce que la série pouvait être et qui a été donc refait derrière et qui n'a jamais été diffusé. On va vous commenter cet épisode et on va vous en parler, parce que peut-être vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce autre épisode de Buffy qui n'est pas répertorié dans les classements. Et donc pour le regarder en même temps que nous, il est sur YouTube. On va expliquer tout ça. Il suffit de taper ça et on trouve direct. Oui, vous tapez Buffy Unaired Pilote et vous allez trouver ça. Mais on y reviendra tout à l'heure quand on va lancer le Top Magneto. De quoi on va parler d'autre dans le sommaire, mon petit Riley? Et bah oui, on l'a dit, on parle des débuts de Buffy, les rencontres avec le Scooby-Gong, hein, les personnages qu'on adore. Les tout premiers thèmes, hein, parce que ce double épisode, on voit déjà tout ce que sera Buffy, tous les thèmes que Buffy va aborder. On va même voir Angel qui en fait un petit peu des caisses. Je vous rappelle le principe du podcast, on fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy contre les vampires. On le regarde en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur, à sa juste valeur, à sa juste, juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict. Et peut-être sur Google Podcast. Alors vous ne savez pas parce qu'on est tous des connards, on n'a que des iPhones. Mais moi, j'aimerais bien que nos auditeurs nous disent, parce que donc Google a lancé... son application podcast pour Android, qui s'appelle Google Podcast, et comme je n'ai aucun appareil Android chez moi, je suis pas capable de savoir si on est répertorié sur Google Podcast. Donc là, je fais appel à vous, auditeurs, hein, si vous utilisez Google Podcast, dites-nous, hein, si vous pouvez trouver pourquoi Buffy c'est génial dessus, qu'on y remédie si jamais... C'est pas le cas, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire qu'on est en vidéo sur Dailymotion, hein, et que vous pouvez évidemment retrouver tous les liens sur pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et vous pouvez aussi nous retrouver en passant par nos sites partenaires, Slayer Revival, Buffy and Jaso, et même Groupe 13, hein, Groupe 13, le site partenaire 13, incroyable. Ouais, champion du monde. Ouais. J'ai envie qu'on passe tout de suite au gros bisou, parce que ça va être un épisode extrêmement chargé. On va avoir beaucoup de choses à faire. Vous allez voir qu'on va peut-être pas faire toute. On fait pas les rubriques habituelles, hein, mais on, autant le dire tout de suite, on fait on que va... les commentaires audio des trois épisodes. Alors on va peut-être gicler, c'est même sûr, on va gicler les dernières rubriques. Il y aura pas de système Buffy, tu vas aimer ça. Oh. Il y aura, oui, on l'a pas précisé, oh, si mais. C'était parler de la finale d'hier, c'est pas la peine. Il n'y a pas, d'invité, hein, vous l'avez remarqué, on est que tous les trois ce soir. Donc non, quand on a beaucoup de choses à commenter en direct avec vous, il y aura moins de rubriques derrière les épisodes. On va se concentrer sur les épisodes. Donc passons immédiatement, sans plus attendre, à la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Et alors, ces gros bisous, on en a un milliard, on a beaucoup de gens à embrasser qui nous ont donné beaucoup d'amour ce dernier mois. Donc, on va commencer avec un gros bisou à Paul qui nous a découvert il y a pas longtemps et Allison qu'on a croisé sur Twitter. Un gros bisou à Kepri qu'on a rencontré à la Japan Expo. Tous les trois d'ailleurs, ouais, on a croisé Kepri. C'était super de croiser une auditrice. On avait un stand avec le groupe 13 à la Japan Expo et on a rencontré une auditrice, c'était génial. Un gros bisou à Joss Whedon, et oui. Ah, carrément. Parce que Joss. T'as vu la nouvelle. Il y a une info incroyable. T'es pas au courant. France a gagné et Joss Whedon fait une nouvelle série. Je sais pas ce qui me fait le plus plaisir. Joss va faire une nouvelle série, en effet. Le projet s'appelle The Nevers. Alors, si j'ai bien compris, j'ai pas trop suivi parce qu'il y avait beaucoup de foot ces derniers jours, donc j'ai suivi l'info de loin. Mais ce serait une série de science-fiction à l'époque victorienne. Donc, déjà, je suis hypé de ouf. Et puis, c'est Joss, quoi. Ça passerait sur HBO et Netflix, je crois. J'ai pas tout suivi. Allez voir The Nevers, Joss Whedon. Je vous aurai sûrement plus d'infos que moi. Il était temps qu'il refasse une série. Et voilà, on est super content qu'il fasse une série. On a aussi les commentaires des nouveaux commentaires iTunes. Rappelez-vous, la dernière fois, il y a le fameux Blablateur 75 qui avait pas trop plu à Riley. Ce commentaire n'avait pas trop plu. Mais là, on a eu 4 nouveaux commentaires et surtout 4 nouvelles 5 étoiles. Ah, voilà. Voilà. Avec des gens de qualité. Des gens de qualité. Chiris 132 qui nous dit qu'on embellit ses journées. Francis 2016 Paris qui dit qu'on est drôle et intelligent. David Dupont qui a créé exprès un compte iTunes pour nous mettre 5 étoiles. Donc, énorme merci à toi. Excellent. Ça, c'est et Kepri, encore elle, qui nous dit si vous aimez Buffy, vous allez aimer ça. Donc, un énorme merci à vous quatre. On fait également, de manière très personnelle, un gros bisou à Julie, Sarah et Fred, avec qui j'ai enregistré un épisode du podcast Ça c'est culte, consacré à quoi, d'après vous ? Colombo ? À la Coupe du Monde de foot. Presque. Consacré à Buffy contre les vampires, ouais ! Alors, myscreen.fr, c'est un blog de cinéma et de séries, et il s'est lancé dans le podcast depuis peu de temps, et donc le premier numéro était consacré à Jurassic Park, et là, pour le deuxième numéro, on a fait un numéro sur Buffy contre les vampires. C'est sorti aujourd'hui. C'est sorti, ça a été mis en ligne aujourd'hui, 2 épisodes, en tout près de 2h30, je crois, d'échanges incroyables entre énormes fans de Buffy. C'était un énorme kiff d'enregistrer ça, donc merci à tous les trois. Et vous, chers auditeurs, allez écouter ça s'appelle Ça c'est culte. Riley, tu voulais nous parler des Podcast Awards. Oui, on fait aussi des gros bisous aux Podcast Awards. Donc on est nommé, enfin on s'est inscrit et on est dans une catégorie. Rappelle-moi le nom de la catégorie. Ouais, j'ai pas préparé le Podcast Awards. On est nommé, non, on s'inscrit. À quoi déjà? Si, les Podcast Awards. Organisé par Podcastéo, Podcloud. Alors il y a un concours de podcast cet voilà, été. Merci certainement de nous sauver la vie. Ouais. Qui s'appelle donc les Podcast Awards. Donc on s'est inscrit, effectivement. On est une quarantaine de podcasts inscrits. On est chacun réparti dans des catégories. C'est et ça. Nous, notre catégorie s'appelle Show Devant. Show sur les séries, oui. S-H-O-W. Et alors, petite subtilité hein, pour éviter les grosses fraudes et les gens qui votent plusieurs fois, tout ça. Les votes auront lieu uniquement sur 2 jours pour chaque catégorie. Alors la nôtre, ça sera le 26 et le 27 juillet 2018. Donc si vous voulez, pourquoi pas, voter pour nous, vous vous rendez sur le site podcastawards.fr. Et donc, mais voilà, uniquement les 26 et 27 juillet. Les autres jours, vous pourrez voter sur, pour plein d'autres podcasts, mais pas pour nous. Et il faut savoir quand même qu'on est dans la même catégorie que des amis et les amis de Geek en série. Donc vous vous démerdez, mais il faut voter pour eux aussi. Voilà. Et t'as été invité aussi dans un Geek en série qui est sorti aussi aujourd'hui. Une transition incroyable, voilà, Riley. Geek en série a sorti un épisode aujourd'hui consacré à Black Mirror, un épisode de Black Mirror qui s'appelle The Entire History of You. C'est le troisième épisode de la saison 1. Pendant l'été, ils font des émissions spéciales sur chaque épisode de Black Mirror, série incroyable, anglaise. Hein, si vous ne connaissez pas, jetez-vous là-dessus. Et donc moi qui adore cette série et qui adore particulièrement l'épisode The Entire History of You, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est l'épisode où il y a des, tout le contenu de ce que voit un personnage est enregistré dans son cerveau. Il peut se le repasser, il peut le commenter avec ses amis. Enfin, c'est un épisode complètement fou. Donc allez voir ça, c'est Geek en série, l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Et enfin, un gros bisou à Agathe de CloudsCon. CloudsCon, donc, qui est notre partenaire, donc, qui fait un fan meet Buffy le 3 novembre prochain à Paris, en région parisienne, à Levallois-Perret. Ça s'appelle Slay the Vampire Again. Là, c'est un gros bisou en forme de teasing, parce que c'est pour vous annoncer déjà que ces gens sont formidables, parce qu'ils font un fan meet Buffy, qui aura Christine Chatterton, Matt Vandine, un costumier de Buffy, Amber Benson, donc Tara et Larry Bagby. Bref, tout ça pour vous dire que c'est, y a plus de place, c'est sold out, cet événement. Oui, c'est bien. Sauf que, voilà, teasing, nous, on va vous faire gagner une place. C'est bon ça. Donc écoutez-nous à un moment donné, comme ça, on ne sait pas trop quand, pendant le podcast, de façon totalement impromptue, Riley balancera une question à laquelle il faudra répondre dans les commentaires de l'article. Hein, donc il faudra répondre sur le blog pourquoi Buffy c'est génial pour WordPress.com sur l'article du podcast. Il faudra répondre à la question. Vous allez voir une question extrêmement difficile que Riley, le maître des énigmes, nous a préparée. On tirera au sort les bonnes réponses et donc on fait gagner un pass pour la CloudCon, c'est et ça, on fera gagner ça, le truc. Un pass pour donc le fan meet Slay the Vampire Again. Donc le gagnant pourra venir à Levallois dans un grand hôtel donc de région parisienne, rencontrer la maman de Buffy, rencontrer Tara, rencontrer Larry et un costumier de Buffy. Je crois que c'est assez incroyable. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Bah moi j'ai envie de participer en fait, du coup. Ah oui, tu n'as absolument pas le droit, ce serait pas du tout éthique. Non. Champion du monde. Bah non, ok. On a fait tout le tour des gros bisous. Ah, moi j'ai envie de faire un gros bisou à Didier Deschamps. Voilà, à notre coach. Bien sûr. Et à David, notre ami David qui est papa aujourd'hui, un gros bisou à David et à sa famille. Et après son enfant Kylian, donc. Il a appelé Angélique aussi qui nous suit depuis longtemps sur Facebook. Gros bisous. Un gros bisou. Non, voilà, on a fait le tour des gros bisous, on passe à l'épisode parce que là ça va être long, il faut qu'on commence. Alors avant, on a la rubrique sondage, mais j'ai pas le jingle donc on va le lancer à blanc. Tout de suite, la rubrique sondage. Riley, il y avait pas de sondage, qu'est-ce qu'on raconte? Bah si, c'était une énigme de tonton Joyce. Je voudrais t'écrire les mots vrais pour guider ton destin, être comme un père qui transmet et qui te prend la main. Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme. Une quoi? Plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce? Je m'en branle en fait, juste donne-moi la clé, j'ai pas que ça à foutre en fait, on s'en fout. Non, c'est pas ça. Et donc oui, donc il y avait des captures d'écran à retrouver sur le site. C'était super dur. Mais Ether, il y avait pas, c'était quoi le lot à gagner? Alors voilà. Et donc Clément, je t'annonce que du coup quand Nico vient à Paris, il faut que vous dîniez ensemble. C'était dans le deal. Hein. Peut-être qu'il va venir à la Comic-Con, on va voir ça avec Nico qui a trouvé les bonnes réponses sur le site. Bravo Nico, bravo. C'était pas facile. Bon, hein, trouvé les bonnes réponses. C'était des captures d'écran des épisodes de Buffy et il fallait trouver l'épisode en question dont c'était tiré quoi. Exactement. C'était super quand même balèze. Donc il fallait retrouver les bonnes réponses dans les commentaires, donc allez les voir. C'est peut-être pour ça que les gens ont arrêté de répondre, ils ont su tout de suite que Nico avait raison peut-être. Ou alors personne n'a répondu à l'énigme parce qu'elle était trop dure. Peut-être personne ne voulait manger avec Clément aussi, c'est pour ça. Hein. Oh, ça c'est la première théorie. C'est sympa. Les épisodes c'était Phases, Consequences, The I in a Team, I Was Made to Love You, Entropy. Et là, My Parents Told Me, donc un épisode de chaque saison en fait. Ah ouais. Passons tout de suite à l'épisode du jour. Et attention parce qu'il y en a trois. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Et oui, donc les épisodes du jour. Donc comme j'ai dit en introduction, on va commenter 3 épisodes aujourd'hui, ça va être la folie, ça va durer 1000 ans, préparez-vous. Et donc on va commencer sans attendre avec le Unaired Pilot, le pilote non diffusé en VF, l'épisode donc 0 de la saison. C'est toi qui l'appelles le 0 hein. C'est officiellement c'est, le 0. C'est même le 0 de la saison 0, hein. Il s'appelle le 0-0 sur les internets, il l'appelle comme ça. Épisode écrit et réalisé par Joss Whedon. Est-ce qu'on a un petit pitch, Riley? À chaque génération, il y a une élue. Seule, elle devra affronter les vampires et les démons et les forces de l'ombre. Elle est la tueuse. Voilà, ça c'est le pitch. Je crois que c'est un de tes meilleurs pitchs. C'est même le meilleur pitch. Hein. De loin. Mais par contre, ça me fait penser à quelque chose. Non, ça résume tout l'épisode. Hein. C'est un pitch très bien écrit par Joss Whedon, sûrement. Alors, d'ailleurs, Joss Whedon, parlons-en, parce qu'il renie cet épisode. En fait, il voulait pas que ce soit sur Internet, et on en parle quand même, d'accord. Oui. Donc c'est comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc c'est un épisode qui était destiné au producteur, enfin surtout à la chaîne, au distributeur plutôt, voilà. Pour montrer ce que pouvait être la série. Alors, c'est une pratique très très commune dans le monde des séries télé, même des émissions télé, même des émissions de radio. Dès qu'on veut lancer un projet, un programme, on fait ce qu'on appelle un pilote, une émission zéro, une émission test en gros, et qu'on soumet après au distributeur. Donc voilà, comme j'ai dit, on peut faire ça à la télé, on peut faire ça à la radio, on peut faire ça sur plein de médias différents. Et après, la chaîne choisit, c'est bien, c'est pas bien, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et ils ont bien aimé. Là, ils ont dit refaites tout, mais alors, c'est bien. Là, ils ont bien aimé, sauf que la série n'a pas été validée immédiatement. La série a été mise de côté pour au cas où. C'est pour ça que la première saison ne compte que 12 épisodes. On y reviendra, mais la première saison de Buffy a commencé en mars, donc ça a été une demi-épisode. La série n'a pas été validée complètement et immédiatement. Et surtout, on va aussi voir qu'il y a des grosses différences entre la série qu'on connaît et cet épisode pilote jamais diffusé. Donc comme tu le dis, Joss le renie, parce qu'on va voir que c'est pas une grande, grande qualité. Hein, il dure que 25 minutes. Il dure que 25 minutes. Aussi. Et voilà, au niveau le son, c'est un peu approximatif. Enfin, les cascades. L'image, l'image qu'on a est dégueulasse. L'image est dégueulasse parce que c'est vraiment un truc qui n'a jamais été mis sur DVD, qui n'a jamais été masterisé. C'est fait penser comme brouillon de Buffy. Donc, oui. Et puis en plus, vu que le créateur et les ayants droit de la série n'ont jamais voulu que ça sorte, évidemment ça se retrouve sur internet, mais dans une qualité pitoyable. Et on va vous faire découvrir ce et soir. Voilà, donc voilà, donc si vous voulez suivre avec nous en direct le commentaire de cet épisode jamais diffusé, vous tapez sur les internets Unaired Pilot. Il faut ouvrir deux fenêtres YouTube. Ah oui, c'est... Et si jamais vous avez la flemme, sachez que sur notre blog, sur l'article de ce podcast, il y a les versions vidéo Dailymotion où on vous met la vidéo en même temps que nos commentaires audio. Voilà, donc ça peut vous aider. Ouais, il y a plein de trucs à dire sur ce pilote, c'est super. Ça va être passionnant. Donc, je me lance, les gens sont prêts sur les internets. Oui, je pense que les gens sont prêts. Je pense que Big Game a son double écran de près, évidemment. Il a tapé un air de pilote Buffy sur les internets. Sûrement. Attention. Sans doute. 3, 2, 1, taupe. C'est parti. Donc ça commence par du noir déjà et un carton dégueulasse. Bah voilà, c'est un produit technique, hein. C'est un carton technique qui nous donne des infos sur ce qu'on est en train de regarder. Donc déjà c'est quelque chose qui n'aura jamais dû sortir. Ça veut dire que c'est un air de que ça nous dit que les musiques sont pas validées, les musiques sont not cleared parce que donc ils ont mis plein de musiques sans avoir les droits. Donc il faut jamais que ça soit diffusé à la télé parce qu'ils n'auraient pas payé les droits. Et ça nous dit que ça dure 25 minutes 34 et on a la date 5 mars 96. Donc vous voyez, un an avant la réelle sortie de la série à la télévision. Donc il a été fait un an avant, ce pilote. On découvre, alors l'image est très très dégueu, mais on découvre le fronton du lycée de Sunnydale. On ne sait pas trop si sur le fronton il y a marqué Sunnydale ou il y a marqué Berryman ou Torrance. Parce qu'en fait, c'est sûr, c'est pas marqué Sunnydale, mais parce que Torrance, c'est le lycée dans lequel a été tournée cette série, donc ce serait le nom du lycée qu'il y a d'habitude. Et Berryman, c'est le nom du lycée dans ce pilote. Voilà. Première différence dans cet épisode pilote. Rien du tout. Le lycée ne s'appelle pas, c'est pas le lycée de Sunnydale, c'est le lycée de. Oui, il n'a pas décidé la ville, en fait, Joss, peut-être. Il va rechanger le nom ça de la ville. Ça va changer après. Par contre, il y a déjà, c'est Julie Benz là. Julie Benz qui joue Darla. C'est la même intro, hein. Que le. On va en parler peut-être tout à l'heure, mais ouais, c'est la même intro pour l'instant. Qui rentre dans le lycée avec un beau gosse qui a l'air de la pousser. Là, vas-y, viens, hein, on fait des trucs de rebelles, ouais. Ça va être bien. Il y a un insert sur un squelette qui est dégueulasse, hein, on va en parler. C'est la première fois que Joss Whedon réalise. Regardez le budget déco voilà, qui est quand même assez. C'est différent par contre, ils arrivent sur une scène de théâtre. Le mec essaye de faire peur. Il essaye de faire peur à la. À l'innocente jeune fille, on imagine que c'est ça pour l'instant. Hein. Voilà, la série joue sur ces deux tableaux. On va voir que c'est une première scène qui sera reprise dans le premier épisode. Voilà, ça s'embrasse et tout. Ah, oh, j'ai entendu un bruit. C'est thématiquement très fort sur ce que va être Buffy la série en fait. Voilà. L'inversion des codes. Et le fait qu'il soit sur une scène de théâtre, hein, c'est pas anodin. Tous les deux, ils jouent un rôle en fait. On va le comprendre à la toute fin de cette scène, mais. Un rôle, mais ils sont pas dans la même pièce. Et ça s'en rend pas compte. Le jeune homme joue le rôle du prédateur. Oh, attention, je vais te faire peur. Il joue comme ça, effectivement. Et puis après, je vais t'emballer. On le reverra pas dans la série, bizarrement. La jeune femme joue. Oh, j'ai peur, j'ai trop peur. Alors qu'en fait, attention, ça va arriver dans un instant. Qu'est-ce qui va se passer? Oh putain! C'est une vampire! Le maquillage est déjà bien fait, quand même. C'est une vampire sanguinaire qui s'empresse de bouffer. Le titre est fantastique. La typo est magnifique. On enchaîne avec une incrustation du titre, avec une typo du plus bel effet, sur le fronton de Tour du Sunnydale, du lycée, mais de jour. On est le lendemain matin, il y a plein de jeunes lycéens qui sont à la rentrée, et on découvre Sarah Michelle Gellar, donc dans le rôle de Buffy. Hein, ça, c'est quelque chose qui n'a pas bougé. Et donc, on va comprendre que c'est son premier jour dans le lycée, et on est content. Et elle arrive comme une ado normale, chewing-gum, la petite blonde qui arrive dans un nouveau lycée qui va chercher son. Il faut savoir qu'elle sa classe. À l'époque, c'est un peu une petite star quand même. Elle a gagné un Emmy Awards, elle joue dans le feuilleton All My Children et elle jouait la méchante. Hein, Moi, c'est un gros coup pour Joss Whedon de l'avoir dans son pilote du coup. Et ouais, et donc c'est elle qui a réussi à remporter le rôle de Buffy Summers, donc cette nouvelle élève du lycée. Ah, elle parle avec le proviseur Flutie, donc par contre, qui est différent, c'est qui ce proviseur Flutie, Riley? Parce que c'est pas le même acteur, voilà. C'est pas Ken Lerner, hein. C'est Stephen Tobolowsky, hein, c'est ça? C'est Stephen Tobolowsky, tout à fait. D'accord, bon, il est perdu dans ses notes. Ah oui, ça y est. C'est Riff Regan, bien sûr. Ah oui, non, il jouait dans Côte Ouest. Voilà, c'est là où je l'avais vu. C'est pas là seulement le préciser. Alors que là. Non, en fait, c'est un mec qui fait que tout le temps des second rôles, on le voit partout et. Alors, mais attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Il joue toujours les pervers, je sais pas. Mais alors, voilà, qui est cette personne aux côtés de Xander Alors, ça, c'est une autre erreur de casting. C'est Willow. Mais c'est Willow, c'est Riff Regan qui interprète Willow. C'est qui va devenir l'ami de Buffy comme dans le pilote normal. Donc c'est la première Willow, c'est quand même assez fou, c'est historique qui, quoi. Enfin, qui sera pas gardé. Qui sera pas du coup la fin. Oui, la Willow finale. On découvre, ça va super vite, mais on découvre effectivement tous les personnages. Ouais, juste dans une seule scène de parc là. Voilà, enfin, Xander est là, Cordelia est là, il y a même Harmony. Mais effectivement, il y a un énorme changement de cast qui va intervenir. C'est Willow, donc interprété par Riff Regan, c'est ça, Riley? Riff Regan qui a rien fait juste après. Alors est-ce qu'on sait pourquoi elle a pas été retenue pour le rôle? Elle est peut-être moins bien que Alison. Ouais, elle a moins de charme, elle joue beaucoup moins bien, elle oriente le personnage dans un autre truc. Tout à fait d'accord. Un peu, je trouve. Elle fait complètement victime. Ouais, elle est transparente c'est après. C'est une Willow victime et qui fait rien pour. On verra la différence tout de suite après dans l'épisode d'après quand même. Alison est bien aussi. C'est triste, mais effectivement, la comédienne ne dégage absolument rien et elle nous fait passer Willow pour une nana qui fait absolument pitié et on n'a pas envie de s'intéresser à elle. Enfin, c'est très très dommage. Et effectivement, quand on verra Willow, Alison Hannigan interpréter Willow dans l'épisode suivant qu'on va commenter, évidence, ouais. Ça sera une évidence. Riff Reagan, ouais, qui a fait quand même Dr. Quinn juste après, donc ouais. Je crois qu'elle est partie en dépression. C'est ma théorie. Parce que c'était bien parti, Dr. Quinn, quand même. Dr. Quinn, c'est drôle. Mais la priorité au direct, Buffy, ça enchaîne. Hein, l'épisode dure que 25 minutes, hein, il se passe mille trucs. Il y a déjà dans la bibliothèque et il y a déjà Giles qui débarque. Alors une bibliothèque qui n'a absolument rien à voir. Son apparition est un peu mystérieuse. Qui est déjà là. C'est aussi mystique, je dirais. La Christopher Lee, un petit peu. Christopher Lee. Décor qui n'est pas la même bibliothèque. Hein. Vous avez remarqué que la bibliothèque n'a rien à voir. On n'est pas dans la bibliothèque de Sunnydale qu'on connaît. On est dans la bibliothèque, tout simplement, du lycée de Torrance, donc où a été tourné tout cet épisode pilote. Enfin, tous les lieux du lycée ont été tournés dans le lycée de Torrance. Et du coup, pareil, ils n'allaient pas construire une bibliothèque comme c'était le cas pour la suite de la série. Ils n'allaient pas construire une bibliothèque juste pour l'épisode pilote. Donc, ils se sont servis de cette bibliothèque de Torrance, qui, pour le coup, par contre, correspondait un peu plus aux envies de Joss Whedon. Joss Whedon voulait une bibliothèque sur plusieurs niveaux. On va voir tout à l'heure qu'il y a un étage avec des escaliers et tout, on peut descendre et tout. C'est une bibliothèque beaucoup plus grande avec des colonnes et tout, qui fait très très anachronique, très très mystérieuse, donc qui correspond bien au personnage de Giles et à l'univers de cette bibliothèque qui doit être un peu étrange et bizarre, tout à fait. Là on enchaîne, il s'est passé un milliard de trucs, donc on enchaîne en 6 minutes 30. C'est ça, moi je suis complètement perdu dans le truc. Moi c'est pour 30, ça que j'en ai pas écrit. C'est un tour de force scénaristique. Joss Whedon, en 6 minutes 30, il a présenté tous ses personnages. Il nous a même mis une scène de frousse au départ pour qu'on ait peur. Et il a mis en place la première grosse intrigue, le premier arc de la série. Première rencontre Willow Buffy. Alors le refus de Buffy de sa mission, parce que donc on l'a pas dit, mais Giles demandait à Buffy proposait à Buffy un bouquin sur les vampires et elle se casse direct, elle fuit la qu'il avait caché directement sous son comptoir, hein. Il était prêt, Giles il attendait tout sourire en attendant Et donc voilà, on se calme, on se remet de ses émotions avec une nouvelle rencontre Buffy-Willow. Donc là aussi, une petite différence, hein, c'est Willow qui vient vers Buffy. Alors que dans l'autre épisode, ce sera Buffy qui viendra vers Willow. Et là en plus, vous allez voir qu'à la fin, que Willow, c'est déjà elle qui est venue vers Buffy. Et c'est elle qui va se faire lâcher par Buffy parce que Buffy va préférer aller parler avec Cordelia. Ça fait vraiment passer Willow pour une énorme victime, et c'est vraiment très très dommage. On n'a pas du tout d'empathie pour le personnage super pathétique, donc c'est vraiment des grosses grosses différences, même un peu ridicule, on le verra à la fin. Alors que le personnage de Cordelia est bien posé déjà, hein. Là on peut le personnage, il y a déjà Harmonie, Harmonie incroyable. Ça c'est vrai que Cordelia tout de suite sera exactement caractérisé très très vite. Même Xander, il est Xander aussi, c'est le même, il a un skate, ce qu'il a pas. Alors parmi les parmi les cordettes, les copines de Cordelia, il y avait déjà Nicole Bilderbach, qu'on reverra, figurez-vous, en saison 3. Alors là, on est dans l'équipe. Un cadavre est sorti d'un casier. Mais alors, je finis avec Nicole Bilderbach. Elle reviendra seulement en saison 3 dans l'épisode The Wish. Meilleur voûte de Cordelia en VF. Hein, donc, elle reviendra dans très longtemps. Mais vous avez la cohérence de cet univers, c'est complètement dingue. C'est fou. On a donc eu une scène de frousse qui sera la même que dans le premier épisode dans Bienvenue à Sunnydale. Tout à fait. Le cadavre dans le plan près, hein, d'ailleurs, ça sera pareil. Ouais, ça sera exactement la même chose. On enchaîne avec une scène très très étrange dans laquelle Buffy et Xander sont en train de discuter, et c'est la seule exception parce que pratiquement toutes les scènes qu'on voit là vont être reprises dans le premier épisode de la série, sauf cette scène-là. Ça, c'est une scène très bizarre, donc où Xander énumère les différents groupes dans le lycée, quoi. Du lycée. Alors, il y a les rappeurs, les surfeurs. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est très très bizarre parce que on est quand même dans une série, on va le voir par la suite, qui va prôner le vivre ensemble, le fait que les différences, on s'en fout. Et là, le fait qu'elle insiste dès le début sur le cloisonnement des groupes, c'est pas très malin, et c'est pas raccord avec ce que dit la série par la suite. C'est une sorte de V1, c'est un peu grossier des thématiques de Joss. C'est pour ça que c'est un pilote, non, du coup. Ouais, et puis c'est très années 90, cette vision des lycées, il y a des groupes. Et des producteurs qui ont dû dire. Et je vous en reparlerai plus tard, c'est pour ça qu'on ne reverra pas cette scène. Parce que justement, Buffy va être une série avant-gardiste. Alors que là, il essaye de. C'est un peu trop ancré années 90. Et regarde, mais encore cette Willow. Dans un plan contre qui fait tellement triste, qui fait tellement nul, qui fait. Oh là, c'est triste, mais. T'as pas envie de la suivre, c'est dommage. Non, non, c'est loupé. C'est complètement loupé. Riff Reagan qui vient d'appeler, qui est sur le chat. Mais non, mais on a envie de lui faire des bisous, mais la pauvre, elle est nulle, quoi. Enfin, t'imagines quand on a vu que la série avait marché. Oh là là, oui, mais ça va être terrible, bien sûr. Comme le mec a joué Marty McFly et que finalement c'est Nicole Riggleback. Elle est même pas championne du monde en plus, je pense. C'est chaud, quand même. Là, c'est pour rire par Cordelia. Forcément. Et Nicole, hein, et il y a Nicole. Et Harmony, elle est entourée de Nicole et Harmony. Hein. Nicole qui reviendra en saison 3, comme j'ai dit. Cordelia qui n'apparaît jamais seule. Ah bah oui, toujours avec sa meute. Ouais, avec donc on revoit le principal Futi qui va essayer de. Ça qui sera dans une scène qui sera coupée après dans le pilote, mais qui. Ouais. Où le Flutie essaye de rassurer Buffy alors qu'elle a pas exactement besoin d'être rassurée. Parce que, alors, si on parle un peu de l'intrigue, donc il y a eu un. Il y a eu la découverte d'un cadavre. Le cadavre du début, donc du garçon du début des pièces. Exactement, qui a été découvert dans le canal. Et donc, Buffy apprend qu'il y a un mort sur le campus. Ah, mais je vais mener l'enquête parce qu'elle refuse d'être tueuse, mais mine de rien, elle a ses petites habitudes, ses petites. Qui la rappellent. Et elle va essayer d'en savoir plus sur le cadavre. Il y a le professeur Flutie, donc qui prend d'énormes précautions pour la rassurer. Lui dire que attention, faut éviter le traumatisme, on est avec vous si on peut vous aider. Et en fait, cette scène là par contre sera pas reprise dans le premier épisode de la série, mais sera reprise dans l'épisode 4 dans Teacher's Pet, chouchou du prof. Il garde l'idée dans un coin. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vont revenir plus tard dans la série. Exactement. On reverra cette scène donc avec Ken Lerner, cette fois avec l'autre proviseur Flutie. Et donc là, on voit Buffy qui enquête et qui fait la même. Et voilà, elle va se rendre compte que c'est un vampire. Oh great, excellente réplique. Il sera reprise à l'identique d'ailleurs dans le pilote. Ouais, mais mieux filmé. Là, c'est là où on comprend que Buffy est au courant qu'il y a des vampires. Enfin, il y a un truc qu'elle sait en plus. Oui, voilà, ça l'étonne pas. Ouais. Sauf si on a vu le film, évidemment, mais on parlons pas du film. Ça l'étonne pas. On en reparlera tout à l'heure du film. Et elle retourne donc affronter son destin finalement, peut-être en allant voir Giles qui est dans sa bibliothèque. Donc voilà, vous voyez la bibliothèque qui n'a rien à voir. Avec un escalier colimaçon, plein de escaliers. En colimaçon. Et donc là, Joss Whedon en parlera. En fait, c'est un, comme j'ai dit, c'est un peu plus proche de la bibliothèque qu'il imaginait. Mais voilà, pour des contraintes techniques, et il le dit dans les commentaires audio du premier épisode, il a dû choisir une bibliothèque, faire construire une bibliothèque un peu moins extravagante, un peu moins importante. Donc il a un demi-étage avec quelques marches seulement. Ça passe quand même, hein, c'est pas mal. Hein. C'est juste cet escalier qui est un peu bizarre, mais ouais. Le décor est sympa. Mais on sent que, enfin, il le dit, il le répète, les producteurs et les scénaristes de Buffy, les réalisateurs surtout, seront régulièrement très très frustrés par la petite bibliothèque qu'on voit dans les trois premières saisons, qui nous a marqué. Pour nous, c'est un c'est décor, le décor incroyable. C'est le Central Perk de Buffy. Ouais. Là, Buffy qui saute gratuitement. Voilà. C'est la première fois qu'on la voit faire un truc pirouette incroyable. Ouf. On sait pas pourquoi. Mais ça étonne pas, Giles. Oui, pareil, il y a 2-3 petits. En fait, elle est une tueuse et elle a une force surhumaine. Mais là, on n'est pas du tout courant. Elle saute comme ça. Ouais. C'est jamais dit qu'elle a une force surhumaine. C'est juste amené par quelques détails. Très discret. Donc, comme alors ça. Là, il y a une mise en scène dégueulasse parce que. C'est horrible parce que Giles, pendant l'escalier en colimaçon, Tony Heath, donc l'acteur, il a dû détester Joss Whedon parce qu'il doit dire sa réplique, la réplique la plus importante, hein, où il explique le concept de la tueuse, tout ça. Et il l'a dit. En deux dos, en tournant autour de l'escalier en colimaçon. Mise en scène, voilà, chorégraphie. On sent que c'est vraiment les débuts, les tout débuts de Joss Whedon à la mise en scène, que c'est pas du tout rodé, c'est pas un bon réalisateur, clairement, à cette époque-là encore. Il fera beaucoup mieux par la suite, hein, heureusement. Bah, ça, c'est sûr. Et bah oui, alors vous disiez, c'est parfaitement le moment d'en parler. Vous disiez qu'il n'assume pas du tout, que Joss n'assume pas cet épisode. Effectivement, en 2003, dans une interview qu'il donne à IGN Film Force, il dit carrément que ça pue du cul ce pilote. Il dit que non, tant que je serai vivant, il sera jamais en DVD. Non, parce que il sucks on ass. Ce sont les mots. Traduction. Moi, je traduis. Par plus du cul, hein. Ça pue du cul. Il y a peut-être d'autres définitions possibles, mais voilà. Non. Il a pas tort, mais c'est quand même intéressant de le voir. Mais lui, il est. Alex a tout entendu, hein, bien sûr. Lui, il est dégoûté que ce truc existe sur les internets. Hein. Il le voudrait jamais. D'ailleurs, enfin, on le sait, il aime bien cacher sous silence les choses. On le sait, d'ailleurs, c'est très dur de voir, par exemple, ces réalisations d'étudiants, hein, par exemple. Enfin, il y a plein de réalisateurs connus maintenant où on peut voir leurs œuvres de débutants. Et bien, lui, on n'arrive pas à voir ça sur les internets. Il est mystérieux. Il est. Il arrive à. Après, il a pas à rougir, je trouve, de ce pilote. Hein. bon, il y a des trucs vraiment pourris, mais ça passe. Ouais, mais il y a de quoi pas le satisfaire. Non, il y a tout, c'est vraiment hyper intéressant. Oui, oui, nous on l'expliquait qu'il y avait. Comparé, regardez. Voilà, il y avait des gros problèmes techniques, enfin, ouais, c'est ça, de mise en scène, des trucs qui vont être corrigés dans le pilote après. Donc c'est une sorte de brouillon, et peut-être s'il avait pas fait ce pilote. Effectivement, quoi. L'écriture, voilà. L'écriture, les dialogues, tout est là. Le concept de la série, tout est là, quoi. Mais c'est vraiment techniquement, au niveau de la mise en scène, de la lumière, le son, on n'en parle même pas, qui est vraiment dégueulasse. C'est ça qui pêche. Ce serait un brouillon. Est-ce que ça serait pas un brouillon? Et on parlait. Le speech, c'est un brouillon aussi de ce qu'elle va dire plus tard aussi. Exactement. Dans la série, dans le premier épisode, dans Prophecy Girl. On parlait même. Ils vont affiner les choses. On parlait dans le dernier numéro du podcast des monologues, des fameux monologues que Buffy fait face à Giles ou face à sa mère en saison 1 et 2. Quand elle dit moi je suis pas comme vous, moi je suis comme je suis, il faut m'accepter comme je suis. Voilà, c'est des grands moments très très poignants de la série. Et ben là, on en retrouve des prémices dans ce premier épisode. C'est un peu moins. La mise en scène, comme on l'a dit, est un peu moins dingue aussi parce que. Voilà, je sais pas si je l'ai dit, a priori cet épisode pilote aurait été financé par Joss Whedon sur fonds propres, quoi. Enfin voilà, c'est quand même un gros budget. Ils avaient vraiment pas de pognon à ce moment là quoi. Là on a vu, c'était très drôle, un insert sur une affiche Dingo's Ate My Baby, donc le groupe de Oz, mais oui, qui existe déjà, ouais. Qui existait déjà dans la tête de Joss Whedon, donc dans l'univers, mais qui apparaîtra concrètement. Et là, dans la le bronze, c'est trois planches là, c'est magnifique. Il y a eu un plan sur le nom The Bronze, et après voilà, ils sont face à un mur avec Jonathan. Et il y a Jonathan qui est déjà là. C'est complètement fou. Jonathan est dans la file d'attente mais avec des lunettes. C'est pas Jonathan. Et fait, à mon avis, c'est pas le. Enfin, il joue pas le personnage. C'est donc Danny Strong, le comédien, qui jouera plus tard Jonathan dans la série. Mais là, dans ce pilote, j'ai l'impression qu'il joue un autre personnage que Jonathan. En fait, c'est un pote de Joss Whedon, ce mec. Depuis vraiment le début. Je sais pas vraiment, mais le bronze, c'est un peu moche. Il est très très bon. Alors que et là, le bronze du pilote sera fou. Et là, par contre, juste avant cette scène, devait se trouver une scène qu'on retrouvera dans le premier épisode de la série et qui avait été écrit mais qu'on ne voit pas dans ce pilote. C'est la scène de rencontre entre Angel et Buffy. Ah oui, qui va être supprimée de l'intrigue. Et voilà, et vu que. Sur 25 minutes aussi, t'es obligé de couper. Ouais. Bah oui, et puis vu qu'Angel ne réapparaissait pas de l'épisode, il s'est dit qu'il fallait resserrer l'intrigue et ne pas intégrer ce nouveau personnage. Ça aurait pu déstabiliser nos amis producteurs d'Hollywood. Donc cette scène a été sucrée au montage, donc entre Sarah Michelle Gellar et David Boreanaz. On la retrouvera plus tard. On la retrouvera prochainement. Donc là, par contre, on a Xander et Buffy, donc ils se sont retrouvés dans la file d'attente du bronze, qui font des blagues. Donc c'est du très très classique. Hein, Xander est déjà amoureux de Buffy. Hein, il a envie de. Il est déjà fan. Par contre, quand ils évoquent Willow et le fait que Willow est un mec, quoi ? Mais c'est pas possible. Il y a forcément un danger. Ça c'est limite. Genre c'est la copine moche qui peut pas avoir un mec. c'est sous-entendu comme ça. Alors que ce sera beaucoup plus subtil. Enfin. Voilà, c'est vraiment écrit grossièrement. C'est un peu ça. Mais bon, c'est un brouillon, hein, n'est-ce pas? Effectivement, il se trouve qu'elle. On dirait que c'est Spike, le mec, un peu, non? Il a la coupe de cheveux de Spike. Le Spike du pauvre, il a des bouclettes, hein, c'est un peu l'époque. Et en effet, Willow est en danger. Willow est dans l'auditorium du lycée, auditorium dans lequel donc Darla a fait des saloperies la veille avec un adolescent. Et bien là, c'est Willow qui est en danger. Et on respecte carrément un code qu'on verra par la suite de nombreuses fois dans la série. C'est que vers l'acte 3, vers les deux tiers de l'épisode, il faut mettre en danger Willow, la fragile et gentille Willow, et c'est exactement ce qui se passe. Elle se rend compte que, oh là là, le type, en fait, il est pas si sympa que ça. C'est la même scène que... Ah oui, effectivement, si, il a des canines, il a des grandes canines, donc ça va pas du tout. Buffy débarque d'un coup, alors qu'il savait qu'elle était au théâtre. Mais voilà, ils sont très forts. On va pas dire. Il y a aucun moment, ils ont dit on va aller au théâtre. On rappelle que Joss Whedon n'assume pas cet épisode. voilà, ça c'est. Ouais, bon, on a le droit de courir. Allons-y. On peut remarquer qu'il y a une affiche des Bulls, l'équipe. Alors, c'est pas les Michael Jordan Bulls, hein, mais c'est l'équipe du lycée, l'équipe de foot locale du lycée. Alors, on sait que plus tard dans la série, ce sera pas les Bulls, ce sera les Razorbacks. Donc, ce sera pas les taureaux, ce sera les sangliers. Hein, c'est Buffy qui donne son sac à main à Alex aussi, c'était. Évidemment. Féminisation maximum. Ouais, c'est un peu gros aussi là cette fois. Du personnage de Xander. Et surtout entrée incroyable. Ouais, l'entrée de Buffy est sympa. Ouais, elle ouvre les portes. Elle monte sur scène, elle aussi rentre dans le game. Bim. Un coup de pied sauté à la Jean-Claude là. Donc effectivement, j'espère vraiment que vous avez l'image, parce que c'est incroyable. Buffy est entrée dans l'auditorium, elle a fait sa petite blague qui va bien, elle a commencé à défoncer le vampire et c'est parti pour la baston. Alors une baston qui est que honnête, on va dire, au niveau chorégraphie, mais après c'est pas très très bien réalisé, c'est pas voilà. On sent que sur ce pilote, c'est un brouillon. Hein. Ils avaient pas le temps, ils avaient pas les moyens, ils avaient on sent que toutes les bonnes choses qu'on aura par la suite, mais fait vraiment avec trois bouts de ficelle, vraiment vite fait quoi. Là, Buffy est cerné en fait par trois vampires. Pas mal ça. Comme tu as dit, c'est honnête, c'est pas ouf, mais c'est voilà, ça se regarde. La scénographie elle est pas dégueu quoi. Elle se bat là où donc l'épisode se termine là où il avait commencé, un peu comme ce sera le cas pour le là aussi le pilote. Sur, par contre, sur une scène de théâtre, hein, ça c'est un truc qu'on ne reverra pas. Ouais, ouais, là c'est une passion de Joss pour le théâtre qui veut mettre tout peut-être dans ce premier épisode. Alors, ou alors tout simplement il avait le décor et il était là quoi. Il avait l'occasion de tourner dans l'auditorium du lycée de Torrens et il s'en est servi. Oh, ça va être trop bien. Il y a un peu de ça, hein, je pense. Hein. Mais effectivement, après, si on veut analyser, on peut. Ah, là, les personnages. Il aime beaucoup Shakespeare, donc peut-être que. Julie Benz qui revient. Julie Benz qui revient, Darla. Il rechoppe Willow, donc il se fait capturer une deuxième fois. Julie Benz l'a dit plusieurs fois en interview, hein, quand elle quand elle a obtenu ce rôle de Darla. C'était même pas Darla, elle avait pas de prénom. Oui, là, c'était, elle a pas de prénom, on dit Darla, mais c'était vampire numéro 1 ou vampire numéro 2, je sais plus. Enfin, elle imaginait. Blonde vampire, là. Faire un jour ou deux de tournage. Elle a dit Big Game, rappelle. Oh, bah, par contre, pour les auteurs directs, qu'est-ce que c'est que cet effet dégueulasse? C'est le vampire a pris un pieu dans le cœur et donc un effet spécial. Alors là, on a un effet dégueu pour la désintégration du vampire. Bah, une nouvelle fois, hein, pas de moyens, brouillon, tout voilà, ça. Hein. C'était un brouillon, un test. Et là, ils se sont dit. Bon les gars, cette disparition, on va pas faire ça. Il va partir en poussière plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, c'est mieux quand plutôt même. Plutôt qu'en ciment, parce que c'était vraiment dégueu. On avait une structure classique: Buffy en danger, Alexandre en danger, Willow en danger, et finalement retournement de situation nul avec la croix. Willow a trouvé le crucifix. Alors Willow et brûle le visage de Darla. On sait pas ce qu'elle le fait fondre. Elle est brillante. Il y a même pas de contre-champ. On sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu bizarre. Bah si, il y a deux actions en parallèle. Oui, c'est... non, mais vraiment le crucifix collé au visage, on sait pas trop. Ouais, ouais, ah, mais c'est une image qui est forte, moi je trouve. Là, par là, on est quand même à deux doigts du nanar. Très série B, ouais. Vraiment. Bah, voilà. Je dois bien aimer les nanars. Heureusement que les personnages sont forts et qu'il y a des super dialogues, ça il y aura toujours. Et il y a déjà des super dialogues. Et puis le concept est fort quand même. Le concept est fort. Ça permet, ça permet de déceler un potentiel incroyable de la série, mais effectivement, on est à deux doigts du nanar. Là, travelling intéressant, I'm the Slayer, tout ça. Et là, c'est un truc super drôle, c'est qu'il y a le vampire, il y a un des vampires qui se barre en disant « Ah, I call you !» Je t'appelle. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont peur de Buffy. Voilà, Buffy. Et la chasseuse des vampires. Buffy assume maintenant. Elle est le cauchemar des vampires, quoi. Elle assume son. Non, mais la réplique est nulle. Mais la réplique est géniale, Clément, tu rigoles. À l'époque, je rappelle qu'on est en 96. Je trouve ça très brouillon. On est en mars 96. Et on n'aurait jamais vu, en dehors d'une parodie un potache et tout. Oui, d'accord. Okay. On n'avait jamais vu un vampire se barrer en courant en ayant peur d'une adolescente et dire I call you, je t'appelle. Enfin, c'est génial, c'est du second degré extraordinaire. Qu'on retrouve qu'on retrouvera dans toute la série, qu'on retrouve dès ce pilote. Là, il y a un truc sympa quand même avec la trappe. Ouais. Il y a une trappe sur la scène. Buffy qui est sous la trappe, en fait, en train d'attraper le monstre. Et non pas l'inverse. Et voilà, parce qu'il y a une trappe dans cette scène de théâtre. Et donc le monstre est attiré vers les enfers par Buffy. Buffy a ce pouvoir de vivre dans les enfers, vu que c'est une tueuse de vampires. Et là, alors c'est. C'est aussi l'inversion des codes, c'est la même chose. Voilà, alors que ses amis la croient perdue. Elle sort des enfers. Elle sort du monde. Et elle sort du monde fantastique. C'était assez drôle parce qu'il y avait plein de bruits, de bastons, de cymbales. On n'a pas vu le combat, mais ils se battaient en dessous sous la trappe. Ouais, on a deviné. Scooby Gang réuni. Et voilà le plan à 3, Buffy, Willow et Xander sont réunis, ont combattu les vampires. Willow s'est fait mordre quand même. Et Willow s'est fait mordre et ça a été Xander le plus en danger quand même. Hein. C'est vrai. Il a aussi le sous-texte féministe est déjà là également. C'est Xander qui s'est fait sauver par Buffy et avant par Willow. Voilà, ça, ces codes féministes sont déjà là également. Et on est déjà le lendemain matin. On a une scène qui ressemble un petit peu à ce que sera la dernière scène Bah, le lycée, c'est le même. Hein. La dernière scène du premier épisode, Buffy et ses amis relativisent un petit peu ce qui vient de se passer. Giles lui fait la morale. C'est dangereux quand même. Il y a la fin du monde qui peut arriver à tout moment. Et eux, ils font des blagues. On a une Buffy qui. Giles qui est pas du tout développé en fait dans... Bah non, pilote de 25 minutes. On a une symbolique ultra forte hein, quand même. C'est notre petite Lycelle et son chewing-gum. Hein. Et puis elle va balancer un pieu, dans le cœur de Nosferatu, hein, le Nosferatu de Murnau, parce qu'il y a un étudiant en cinéma. Qui là aussi, c'est symbolique, ouais. Qui a mis une affiche du Nosferatu de Murnau de 1922. Et ben c'est ça que nous dit cette scène et le fait de balancer un pieu dans cette affiche. C'est attention, avec Buffy, on n'est pas dans des représentations des vampires à l'ancienne, à la papa, qui font peut-être peur, mais qui ont des griffes et tout. Ah là là, j'ai penché. Non, on est dans le moderne, dans le rock'n'roll. On finit sur du rock d'ailleurs. On est. Ce sera ça, Buffy. Ce sera moderne, ce sera fun. Elle est cool cette fin. Et il y aura du chewing gum. Très bonne conclusion. Sympa ce pilote. Voilà, vous avez vu, carton de fin, même pas de crédit. Voilà, Joss Whedon n'assume pas du tout cette œuvre. C'est bon, wow, vous avez kiffé. Ça, allez, c'est bon. La copie qu'on a, ouais. Et maintenant, je propose de passer. Une petite conclusion. Non, mais c'est comme un épisode normal, je pense. Hein. Conclusion, non. D'accord. Je pense que c'est un épisode un peu brouillon qui pose les bases de ce que sera la série plus tard. Ouais. Alors, je pense que Clément a beaucoup de choses à nous dire en conclusion. Ah, il y a une légale conclusion. On va passer immédiatement à la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Et oui, conclusion, il y en aura trois, hein, comme les épisodes. Il y aura trois gigas d'épisodes aussi. Trois conclusions ce soir. Moi, je voulais dire que la musique, on n'a pas trop parlé de musique comme à chaque fois, mais elle était bien nulle. Il y a une musique à la Jean-Claude Van Damme, kickboxer des années 80. Et ça, bizarrement, c'est un truc qui va pas évoluer après sur la saison 1. En tout cas, la musique de Buffy, c'est pas un truc qui va changer. Alors que bon, c'est vraiment pas terrible par contre sur ce pilote. Voilà. Ouais, et puis bah, comme j'ai dit au début, c'est des musiques témoins en fait. Ouais, c'est... dont il avait pas les droits, qu'il a pris voilà, pour montrer une direction que pouvait prendre la série. Mais voilà, c'est pas du tout ce que sera la série au final. En conclusion, en fait, je voulais reparler du personnage de Willow. Hein, donc on va pas en rajouter, hein, hélas. Je voulais dommage. Alors comment va Riff Regan? On a des nouvelles? Elle vous embrasse. Et je voulais parler et je voulais voilà dire que a priori c'est Joss qui aurait financé le Williams ce pilote, donc effectivement pour expliquer qu'il n'est pas trop de moyens. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire en conclusion? Non, et donc expliquons après peut-être un peu l'histoire, comment il se retrouve avec ce pilote. Il va voir la Fox et on lui dit banco Joss, c'est parti, on fait ta série. Alors, pas du tout, il y a une série qui était programmée avant Buffy. Alors je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il se trouve que la série, en fait ils ont tourné une demi-saison, mais là, c'était sûr que la série n'a pas été acceptée pour faire une saison entière. Il y avait une autre série, il y avait Savannah. Mais voilà, ouais. Après, une fois que Savannah a été annulée du coup, à mi-saison. En février donc 1997, Buffy a remplacé Savannah et a été diffusée. La série avait déjà été tournée à l'époque, donc ils avaient prévu de la diffuser à un moment ou un autre, cette série. D'accord. Mais ils avaient prévu d'en faire que 12 épisodes pour ne pas en faire une saison intégrale. Donc ça, c'est important, au moment du premier épisode, déjà toute la série est tournée, ça c'est cool. Alors voilà, c'est ce qu'on va voir, on va d'ailleurs en parler régulièrement. Donc effectivement, ils vont tourner maintenant, une fois que ce pilote a été fait... Validé donc par la chaîne. Ils vont valider donc le changement... À part l'actrice. Le changement de l'actrice qui joue Willow, tout ça. Et ils vont ensuite donc retourner un nouveau premier épisode, qui va être donc une sorte de remake en fait, un remake de ce qu'on vient de voir, de ce pilote non diffusé. Qui est tout simplement le premier épisode de la série qui s'appelle tout simplement Welcome to the Hellmouth. C'est parti pour l'épisode du jour, le deuxième. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Donc, deuxième épisode du jour, c'est un podcast complètement fou. Welcome to the Hellmouth, bienvenue à Sunnydale en VF. Alors, on se moque souvent des titres français, hein, des versions, des traductions. Alors, celui-là est pas dégueu. Hein. La traduction, alors, mais, elle est. Bienvenue à Sunnydale, ouais, c'est cool. Est-ce qu'on a déjà été écouter les traductions de nos autres pays, des autres pays? Moi, je suis allé regarder. C'est pas mieux, hein, les gars. En Finlande, donc l'épisode Welcome to the Elmouf s'appelle Yistavia Ja Paolaisia Osa 1. Arrête. Qui veut dire Ami et démon partie 1. Ami et démon, bah, c'est thématique. Voilà. En Allemagne. Tu parles très bien le finnois là par contre. C'est ma langue maternelle. En Allemagne, ça s'appelle Das Zentrum des Bösen, le centre du mal. Pas mal. Ouais, il y a un effort de fait. En italien. Bienvenuti al collegio. Ah c'est putain, on a LV2 italien là. Donc il veut dire. Bienvenue au collège, bien joué. En espagnol. Ça s'appelle la côte sécha partie 1, donc la moisson partie 1. Eux ils avaient pas compris qu'en fait la moisson c'est l'épisode d'après. C'était le. Bon, bref, voilà. Donc, sur le chat, les gens sont étonnés parce qu'il était parfaitement bilingue. Je suis quadrilingue, les gars. Ouais, c'est ouf. C'est donc l'épisode 1, tout ça pour dire que c'est l'épisode 1 de la saison 1. Putain, le premier épisode de Buffy, les gars. Ça, c'est cool qu'on le fasse. Hein. Il était temps qu'on le fasse. Il a été diffusé pour la première fois le 10 mars 1997. L'épisode est écrit par Joss Whedon. Le script daterait même du 26 août 1996. Et il y aurait eu six versions différentes suite à des retours avec la chaîne. Et il aurait été validé le 17 janvier 1997. Très très précis sur ce premier épisode. Et il est réalisé par Charles Martin Smith. C'est qui Charles Martin Smith, Riley? C'est le réalisateur de Air Bud. Vous savez, avec le chien qui fait du basket. Vous vous souvenez? Oui. C'est le même réalisateur. Donc autant te dire que c'est. Ouais, les gars, c'est il est fort. C'est une sorte de Spielberg de la télé. Voilà. Et en fait, après, non, il a surtout fait l'acteur. Il est plus connu en tant qu'acteur. Je sais pas pourquoi il râlait ce pilote, mais il se cherchait. Il a quand même fait un peu du X-Files, du Roswell. En tant que réalisateur ou en tant qu'acteur? En tant qu'acteur. Ah oui, d'accord. Son autre truc marquant après Buffy, c'est Air Bud. C'est Air Bud, d'accord, très bien. Oui, avec le chien champion du monde, je crois. Je sais pas très bien l'histoire, mais bon. Est-ce qu'on a un petit pitch également, Riley? Ah oui, j'ai préparé un petit pitch. Alors, que je le retrouve, parce que là, on est beaucoup plus. Alors, oui. À chaque génération, il y a une élue. Seule, elle devra affronter les vampires et les démons et les forces de l'ombre. Elle est la tueuse. Elle s'appelle Buffy. Ok. Bah, ouais. Non, mais ils se foutent de notre gueule. Je pense que. Si, c'est le pitch. Ça décrit. Je pensais, on va faire une réunion. On va être obligé de faire une réunion, Riley. Ça décrit le pitch. Alors, c'est avant... le premier épisode. C'est un de tes plus beaux pitchs. Arrêtez. Non. Si. Avant de commencer, je vais vous parler d'un truc. Est-ce que vous connaissez History of the Slayer? C'est les origines, l'histoire, la mythologie, je ne sais pas. Pas exactement. Alors ça, c'est un truc pareil qu'il faut taper chez vous, sur votre téléphone ou votre ordinateur. Tu demandes beaucoup aux auditeurs. Genre, je leur demande. Faut vraiment être actif sur ce podcast. Je leur demande pas mal de participer. Tapez History of the Slayer et vous allez tomber sur une sorte de longue bande-annonce, en fait, qui reprend principalement, en gros, des plans de l'épisode non diffusé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit dans une qualité meilleure, en fait. Ah. Parce que, effectivement, contrairement à l'épisode non diffusé, History of the Slayer, ça a été diffusé. Ça a été diffusé avant la diffusion donc de ce premier épisode qu'on va commencer, Ils l'ont diffusé quand même pour introduire la série, que ça sorte pas de nulle part. Ils ont diffusé, donc la chaîne WB a diffusé des petits bouts donc de cet épisode pilote sous forme d'une bande-annonce pour expliquer ce que c'est le concept de la tueuse. Alors ça commence avec des photos, voire même des gravures du 17e et du 19e siècle. Qui nous parle avec une voix off, qui nous dit Plymouth, 1625, des événements étranges arrivent, ils seront des morts et tout, et ils seront arrêtés grâce à l'apparition d'une jeune femme qui s'appelle machin. Boston, 1845. Tu fais bien, ça a l'air vraiment bien. Ouais. Mais allez voir, History of the Slayer, c'est très intéressant. Et donc ça nous parle, donc des. Ça, comme si ça nous. Slayer, pas le groupe, hein, ils vont voir les clips du groupe, là, sur le groupe de Metal Slayer. Taper peut-être. Buffy, à un moment donné, faut taper Buffy quoi. History of the Slayer, Buffy peut-être, ça aidera. Effectivement, pardon. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ça, c'est une manière de crédibiliser ce concept de la tueuse de vampire. Donc, t'as quelques idées de tueuses qui ont existé au 17e ou au 19e siècle. Et après. Ça, c'est vaguement évoqué dans l'épisode par Lucas à un moment donné qui dit j'ai toujours rêvé de tuer une tueuse. Le vampire va dire ça dans l'épisode. Luc, tu veux dire. Luc, pardon, oui, Lucas. Oui, Lucas, c'est le défenseur. Ouais. Le défenseur de la France. On est champion. C'est terminé, la Coupe du Monde est terminée. Lucas Hernandez, gros bisous, putain, quel joueur. bref, et effectivement, donc, History of the Slayer, voilà. C'était juste pour. Ça devait être une parenthèse, mais ça a pris 1000 ans. c'était juste pour dire qu'avec des morceaux de cet épisode non diffusé, ils ont fait une grande bande-annonce pour donc introduire, teaser un petit peu ce premier épisode de Buffy qu'on va regarder maintenant. Incroyable. Cool. Unissez-vous de votre télécommande, de votre souris, de votre Google Home, je ne sais pas. Dites OK Google, lance-moi Welcome to the Elmouf. C'est parti, on va le lancer. Attention, 3, 2, 1. Top! Top, c'est parti. Le premier épisode de Buffy. Le premier épisode de Buffy, oh, incroyable. On est champion, incroyable. Alors, c'est le même plan. Et c'est, on commence évidemment par le, par on va voir beaucoup c'est de plans. C'est un brouillon. On voit Sunnydale quand même. Voilà, on va voir Sunnydale. On va voir beaucoup de plans qu'on a déjà vu dans le Unaired pilote, mais cette fois fait bien, proprement, par Charles Martin Smith, ah oui. Avec des moyens, avec un vrai chef op. Des chiens qui font du basket. Michael Gershman, pour ne pas le nommer. Donc on a eu le fronton du lycée avec cette fois bien inscrit Sunnydale devant. On a eu une déambulation dans l'unique couloir de. Qu'ils ont en décor, du lycée, pour le lycée. Voilà, ouais. Qu'ils ont construit pour tourner cette première saison. Moi, ça fait penser au début d'Alien, quand la caméra se balade dans le vaisseau juste avant que l'équipage se réveille. Avant l'introduction des personnages. Ça commence pareil. Hop. Et on a également vitre brisée. Vitre brisée, tout ça. Ah, et on a le thème. Voilà, ça c'est important parce que voilà, le thème principal doit être énoncé dès le début de l'épisode. Et donc dans cette série, on est dans le premier épisode, ça tombe bien. Le thème principal va être l'inversion des codes et le retournement de ce qu'on croit savoir. Et ça commence donc très logiquement avec une salle des sciences qui est vandalisée par des jeunes qui cherchent à pénétrer du lycée, alors que normalement les jeunes ils cherchent à fuir le lycée, ça n'a aucun sens. Et là, on a des jeunes. Ils veulent rentrer, c'est fou. Et voilà, ils rentrent dedans et puis c'est la nuit et tout. Enfin, il y a multiples interprétations à faire. On peut parler de la science face à l'occulte, des monstres qui pénètrent le lycée en cassant des vitres. Le fait d'ouvrir des fenêtres, c'est pas un chemin, c'est le fait de vouloir faire sa propre éducation et pas être formaté. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est très très fort. Très très bon sur cette fenêtre. Cette mise en scène. Et c'est donc, Julie Benz qui est toujours là. Un symbolisme très très très riche. Et ça, voilà, et ça va pas aller en s'arrangeant parce que là. Il joue pareil, le mec. À la c'est suite, on a donc ce mec sorti d'un épisode des experts New York, je sais pas quoi, face à Julie Benz. C'est un mec de Melrose Place, moi je dirais. Non, c'est les experts quelque chose. Et il joue aussi dans Shasta McNasty, série très drôle mais qui a pas duré très longtemps. D'accord. Bref, et là on va voir l'inversion des genres. Comme on l'a dit. Ah putain, c'est un vampire. La lycéenne Julie Benz est en fait un vampire. Et donc voilà, l'homme brun, beau gosse, tout ça, qu'on pensait être prédateur sexuel, est en fait la proie, donc comme on l'a dit la tout victime. À l'heure. Ça, c'est respecté. Et en plus, on a un truc génial, c'est que Joss nous présente le concept de sa série avec des représentations de ses personnages principaux. Ça, c'est complètement fou, parce qu'en fait, Julie Benz et le type dont je n'ai pas le nom, sont en fait des représentations de Sarah Michelle Gellar, enfin de Buffy et d'Angel. Voilà, exactement. Le beau gosse vêtu de cuir, c'est Angel, qui effectivement s'avérera être autre chose que ce qu'il n'est, qu'on croit qu'il est. Et pareil pour Buffy, la petite blonde lycéenne est en fait une chasseuse, enfin voilà, exactement comme excellent générique, on l'a pas dit là, les Dards. Alors là, moi j'adore ce générique. Il y a mille trucs à dire sur le générique, peut-être on le fera pour le prochain générique. Oui, mais ce sera le même. Ouais. Mais bon, le générique, il y a plein d'images de la saison, vu qu'on disait, tout est tourné. Et d'ailleurs, c'est une sorte de preview aussi, ce qu'on va voir, c'est Buffy est en train de rêver avec plein d'images qui vont apparaître dans la saison là aussi quoi. Bah ouais, parce que priorité au direct, Buffy est en train de rêver. Enfin, ça c'est assez génial. La première fois qu'on voit Buffy dans cette série, elle est en train de rêver. Alors, déjà, c'est révélateur de la passion pour les rêves que Joss Whedon infusera dans plein de séquences de Buffy, même dans un épisode en entier tout au long de la série. Et alors, si on était un poil complotiste, on pourrait même y voir une validation de la thèse. Je suis complotiste. Proposée dans l'épisode Normal Again. Vous vous rappelez de Normal Again qui nous dit Buffy en gros que asile. Buffy est dans un asile, qu'elle imagine tout ça, et ben on peut penser ça en voyant ses rêves. En fait, tout ça, ça se passe dans la tête de Buffy, en fait. En tout cas, c'est une super scène, ça donne trop envie de voir la série, direct. On est dedans. Et là, il y a le Buffy, premier mot de la série, Buffy qui. Sois pas à la bourre! Alors, voilà. Comme tu le dis très bien, ça, ouais, ça c'est également... elle est nommée. Bon, ça c'est lourd de sens. Enfin, c'est, on assiste à la naissance d'un personnage. La naissance parce qu'elle sort du lit, elle est nommée, est baptisée, elle est baptisée par sa mère, elle est nommée par sa mère, Kershaw, qui l'appelle Buffy, c'est elle qui donne son nom. Et elle lui dit tu vas être en retard pour ton premier jour. Donc voilà, c'est. Mais c'est comme Marty, je trouve tout, que ça. Tout de suite, elle est en décalage avec son quotidien. Ouais, tu vas être en retard. Tous les symboles du premier jour de la naissance sont là, voilà. Sont clairement là, quoi. Même dans le décor, hein, il y avait ces cartons de déménagement. Ils viennent juste, juste en un plan, on comprend qu'ils viennent d'emménager. Elle est nouvelle dans ce monde, ouais. Elle est nouvelle dans cette série, elle est nouvelle partout. Enfin voilà, un plan extraordinaire qui est très très lourd de sens. Et donc on voit Buffy maintenant arriver au lycée et Alex Xander qui fait du skate. Alors, Nicolas Brandon qui est toujours là, donc on le reverra plus jamais faire du skate dans la série. Voilà, Bernard Arnold, il se prend direct la rambarde. Donc, c'est, il est nul en fait, c'est un faux skateur. Mais là, son esprit est troublé par Buffy. Il y a également un faux rapport avec Willow. Et par Willow, il y a un faux raccord scandaleux parce que dans le plan large, Buffy a disparu. Hein. Il s'est cassé la gueule à cause de Buffy. Ah voilà, Willow a changé. Ah voilà. Il était temps. Une vraie Willow, Allison Hannigan. Donc le gros changement de ce premier épisode par rapport au pilote non diffusé. Tout de suite souriante, ça change tout, quoi. Et voilà, elle est. C'est peut-être Allison qui a amené ça. C'est bien sûr. Exactement, c'est comme ça que l'a décrit Joss Whedon. Il voulait quelqu'un de timide, mais dont on sente qu'elle a un univers énorme à l'intérieur d'elle, mais qu'elle le montre pas parce qu'elle est timide. Et là, elle arrive à le faire, Allison Reagan, ce que n'arrivait hélas pas à faire Riff Reagan. Et là, on a Jesse. Par contre, Jesse, on a zéro enfant sur lui. Si, Melrose Place, c'est pas le mec qui est dans Melrose Place. C'est Eric Balfour qu'on a rencontré. Je veux dire, le personnage n'est pas développé. Par contre, la priorité directe, les gars. Flutty. Il y a une scène incroyable, une scène complètement méta. Qu'on va vous expliquer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Buffy a été tiré d'un film. Buffy en 1992, c'est un film hors d'une série, un film écrit par Joss Whedon, mais dont la réalisation lui a un petit peu échappé. Et là, 4 ans plus tard, faut en faire une série. Et donc il y a un truc qui est génial avec cette scène, c'est que cette scène nous explique qu'on va être un peu dans la suite et un peu dans le remake par rapport au film. On va être un peu dans les deux. Et c'est génial. Flutty, donc le producteur Flutty, commence par dire « Welcome to Sunnydale ». Ça tombe bien, c'est le titre de l'épisode. Donc on dit « Ah, c'est un reboot. On est à autre chose. » Il dit « Past is the past. On oublie le passé. » Donc voilà, il valide cette... On oublie le film dégueulasse. Voilà, on oublie. Mais ensuite, il a déchiré le dossier de scolaire de Buffy. Mais ensuite, il recolle les morceaux avec du scotch. Et ça, c'est génial. Là, il découvre lui-même le passé de Buffy et il va s'en imprégner pour dire « Ah ouais, vous avez fait ça, et bon, c'est pas cool. » Donc là, ça redevient une suite. Puis ça montre son côté procédurière, quoi, tu vois. Tout de suite, il recolle le truc. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il le recorde. C'est pas bête. Il les recorde dans des façons. Il les recolle les morceaux dans un sens qui n'a rien à voir avec le début. Et c'est ça aussi que nous dit cette scène, c'est ok, je vais prendre ce que vous avez vu dans le film et je vais les faire à ma manière, dans une manière différente, une manière que vous connaissez pas. Je vais changer les morceaux de place. Une belle lecture méta. Et donc, on peut sortir le terme. Le néologisme qu'on adore de Requel pour dire qu'on assiste à ce qui est un préquel et une séquelle et un reboot. Un préquel et un reboot en même temps, c'est-à-dire séquelle et un reboot, je vais pas y arriver. Suite et un reboot, quoi. Une suite et un reboot. Dont le meilleur exemple est Evil Dead 2. Le meilleur exemple est Evil Dead 2, donc un requel de Buffy. On a eu la même scène de rencontre avec Xander qui va tomber sur le pieu de Buffy, parce qu'ils se sont percutés. Il y avait le même gag. Il y a le même gag, presque le même plan que dans le pilote. Tout fait dans le pilote un seul décor où tous les personnages se croisaient, c'était pas très réaliste. Là, ça passe beaucoup mieux. Bah, il y a plus de temps, plus de moyens. Donc on voit ce qui sera aussi au cœur de. Voilà. Et là, la peste. Moi, j'ai vu un parler. Saloperie, avec saloperie. C'est une saloperie déjà. Alors ouais. Mais il a parlé avec le Nosferatu de Murnau. Black Death. Surtout, la prof écrit Black Death sur le tableau, donc ce qui est la peste noire, hein, évidemment. C'est un cours d'histoire, donc c'est drôle parce que ça rejoint tout ce que Buffy déteste le plus, l'histoire et la mort. Et moi, c'est les maths. Et on voit Buffy se rapprocher de ce qui sera sa némésis dans le monde lycéen, Cordelia. Salut. Et là, c'est génial parce qu'à ce moment-là, donc, elle n'a pas encore rencontré Willow. Elle commence par rencontrer Cordelia. Qui nous paraît sympa, hein, on ne sait pas là encore. Enfin, quoique. Et il y a déjà un peu hautaine. Et voilà. C'est très lycée au début, on traîne avec des gens, et puis après, en fait, bien sûr, ah, oui, mais non, ils très, sont cons, en fait. Réaliste, sûr, et ouais, surtout, ouais. Voilà, Cordelia a repéré le potentiel mode de Buffy. Le Valley Girl. Parce qu'elle, en fait, parce qu'elle vient de Los Angeles, c'est la réputation rivale, de la nouvelle. Une rivale potentielle aussi. Et Cordelia rêve d'aller à Los Angeles. Exactement. Ouais, oui. Et là, il y a un truc génial, c'est qu'elle va lui faire passer un test qui est en fait plein de références pour nous donner des indices sur ce qu'est Cordelia, sur ce qu'est Buffy, est-ce que ce que Buffy peut éventuellement être ou ne pas être. C'est génial. Donc elle commence par lui dire, est-ce que le vamp nail, enfin le comment ça s'appelle, le vernis à ongles pour vamper, est-ce que c'est bien? Et Buffy, non, faut oublier, voilà. Donc Buffy doit se mettre en retrait des vampires pour accéder à la sphère Cordelia. Après, elle lui parle de James Spader. James Spader. Ça va très vite, donc je vais pas développer trop. Stargate. Et surtout, et il a été Blackist. La première fois qu'il a été connu, c'est pour le film Pretty in Pink en 86, un film culte des teen movies dont est forcément inspiré toute la série. Voyez Pretty in Pink. Et dans Pretty in Pink, alors il joue un Cordelia masculin, quoi. Exactement. Donc c'est ça. Tu dois faut lui ressembler. C'est pour ça que Buffy dit ouais, James Spader, j'adore. Voilà, pour valider une nouvelle fois la sphère des riches beaux gosses, tout ça, pour rentrer dans la sphère de Cordelia. Même si Willow, Buffy, pardon, a croisé le regard de Willow et elle a compris quand même. Elle a pas trop aimé, voilà, que voilà, que Cordelia la traite de loser, là, ça c'est la loser. Exactement. Elle a attaqué sur sa robe directement. Elle parle enfin des frappuccinos dans son test. Ça, c'est un truc. Frappuccino, c'est un truc tout récent. Ça a été créé en 95 par Starbucks. Donc voilà, c'est Buffy doit être moderne, doit être jeune, tendance. Doit être tendance. Voilà. Et elle lui parle enfin de John Tesh, qui est un planiste américain qui fait de la pop dégueulasse et donc que tout le monde oublie aujourd'hui. Et voilà, Buffy elle doit être là. Elle doit être dans le moderne. Elle doit oublier la pop à papa. Et elle doit faire du rock. Ah, priorité directe. Superbe plan sur la nouvelle bibliothèque. Enfin, la toute première bibliothèque. Ça change tout. Et tout de suite, c'est mystérieux et en même temps un peu. Comment dire, royal. Comment je veux dire, ce plan est magnifique. Avec la même introduction de Giles. Sauf que là, il arrive dans le dos. Oui. Il est au premier plan. Derrière lui, il y a une immense cage. C'est très drôle, la cage. Alors, on peut pareil y voir plein de lectures. La cage dans laquelle il envisage d'enfermer Buffy. Hein, il va essayer de la modeler en tueuse. Tout ça, on sait pas trop. C'est vrai que son premier plan, oui, il y a une cage derrière. Donc, oui. C'est assez étrange. Et tout de suite, il va lui montrer un bouquin de vampire que Buffy refuse. Elle refuse évidemment son destin. Étape classique. Hein, là aussi, il était prêt. Bah oui, il attendait. Lui, c'est lui. Il savait, ouais. Il savait qu'il y avait une tueuse. Après, peut-être il connaît même son nom. Il dit Miss Summers. Miss Summers, c'est la nouvelle tueuse. Ah, il sait déjà là. Je ne sais plus. Hop, et Buffy s'enfuit. Refuse l'appel de l'aventure. Refus de l'appel. Tout à fait. Alors, on ne va pas développer plus le voyage du héros aussi. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais voilà. Là, cet épisode s'inscrit complètement dans les étapes du voyage du héros. Et on est dans les vestiaires du lycée, pareil, on reprend qu'est-ce une scène. Qu'est-ce qui va se passer dans les vestiaires, on sait pas. On a déjà vu dans l'épisode de Pilote. J'avais un bon jeu de mots déjà au début. Enfin, jeu de mots. C'est ah, Buffy, c'est un nom à la con, salut. Et elle aussi a un nom débile. Elle se me foutait la gueule de Buffy. Voilà. Et surtout, voilà, nouveau cadavre dans le vestiaire. Ah, vous faites très bien. Mais attendez pas. Elle crie beaucoup mieux que vous. Et là, on a eu voilà le mélange des genres. On a eu une séquence typique de teen movie où il y a deux poufias qui est en train de bitcher à mort sur la nouvelle. Et ah, l'irruption du fantastique avec ce cadavre dans le casier. C'est génial. Ouais. Voilà, on a tout le concept. Tiens, connasse. Et donc là, début de l'acte 2. Début de l'acte 2, Buffy, voilà, là on se rapproche de Willow. C'est Buffy qui va vers Willow qui lui dit ah, celle-là, ça a l'air d'être une nana. Et Willow, limite, elle s'excuse. Pardon, tu veux me parler, mais je te dérange pas, je veux tu pas veux, te. Tu veux que je m'en aille ? Tu veux que je m'en aille ? Là, Willow a crève l'écran par rapport à la pauvre Regan. Mais elle est totalement incroyable. Donc, là, ouais. Donc, c'est ce que je vous disais, Joss, il le dit dans les commentaires. Moi, elle va bien marcher, je pense. Cette série me semble avoir un bel avenir. Ouais, les mots de Joss, c'est il voulait que quelqu'un qui ait une vie intérieure incroyablement colorée et cette vie devait se dégager du personnage. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à jouer ça. Faut jouer quelqu'un de timide, mais qui a un univers intérieur fort. Mais elle a ce petit minois qui lui appartient qu'à elle. Elle inspire beau. On a envie de la suivre totalement. Bah oui, elle est tout de suite sympa. Voilà, ça marche, ça fonctionne. Et puis tu vois, elle a toujours à mi-chemin entre le ah ouais, enjoué et le ah putain merde, pardon, j'ai de la merde. Au fur et à mesure de l'épisode, elle va aller de surprise en surprise. Tout on apprend à la connaître. Tout ça dans plus. Le jeu, elle est magique. Par contre, voilà, là il y a un truc qui est génial, c'est que l'arrivée de ces deux potes masculins l'évince complètement de la scène. Bien sûr. On ne la voit même plus. Elle n'apparaît plus dans les cadres. Il y a donc Jesse et Xander qui ont déboulé dans la scène pendant que Buffy et Willow parlaient. Et Willow disparaît, elle n'est plus là. Ou alors c'est un faux raccord, non du non, non, non, c'est, là, c'est voulu, montage, quoi. Ouais. Les mecs, en fait, sont des faux amis, c'est deux gros lourds, ils font vraiment... Bah là, ouais, Xander, il veut draguer Buffy. Ils veulent draguer Buffy, et du coup, ah, ils ont complètement évincé la pauvre Willow. Complètement Willow, ouais. Ah ouais, non, mais c'est... Et voilà, ce qui n'arrivera plus par la suite. Parce que déjà, attention, spoiler, Jessie va mourir, et de deux, Willow va elle-même s'affirmer, donc elle ne sera plus évincée de la mise en scène comme elle l'est là. Enfin, c'est, il y a même, on voit des regards où Will, Buffy lui parle, mais il n'y a pas de contre-champ sur elle, c'est génial, quoi. Elle, a, elle est totalement dégagée par les deux mecs, les deux gros lourds. Cordelia, la reine Cordelia. Jessie se fait pourrir la scène. D'entrée, oui. Eric Balfour. Est-ce que c'est le moment de vous parler de mon interview d'Eric Balfour? Alors, Big M s'en est chargé sur le chat déjà. Ouais. Ah merde. Bon bref, j'ai fait une interview d'Eric Balfour un jour, sauf que bah, effectivement, j'avais pas mis enregistrement sur mon truc, donc cette interview ne restera enregistrée que dans ma tête. On le dit dans le podcast hors série sur la Comic Con 2015, voilà. Mais il s'en souvient, je suis sûr. Moi, je l'ai vu, je suis témoin. Eric était très sympa en tout cas. Il a répondu à mes questions malgré le fait qu'il jouait dans deux épisodes. Non, et surtout que j'étais pas du tout là pour ça, j'étais là pour faire pour signer des autographes. L'attaché de presse a failli tabasser. Ouais. Et l'attaché de presse et les mecs de la sécurité voulaient me défoncer. Et c'est lui qui a fait non, mais ok, gardez-le. Et il a répondu à mes questions que je n'ai hélas pas enregistrées. Priorité au direct, Buffy enquête. Parce qu'effectivement, elle a appris qu'il y avait un cadavre. Qui est en carton, hein, donc manifestement. Elle est une force surhumaine. Et voilà, encore on découvre un petit indice au fur et à mesure, c'est pas du tout comme l'épisode d'avant, c'est. Mais c'est un peu pareil, c'est exactement les mêmes plans, elle enlève la couverture, elle dit que oh great. Sauf que là c'est mille fois mieux. Ouais, le jeu, la lumière, le cadre. Retour du coup, revoir Giles. Il y avait un vrai chef op. Il va se passer la même chose, Xander est caché derrière la bibliothèque. Il va tout entendre. Il y avait dans le script. C'est là qu'on va apprendre plus sur la mythologie. Ouais. Et puis intercalé entre ces deux scènes, il y avait une scène entre elle et Flutie. La scène donc qu'on a vue dans le Unaired Pilot et qui sera récupérée dans le Teacher Pet. Teacher's Pet, putain, j'arrive pas à le dire. Et donc voilà, qui a été sucré de ce premier épisode, qui était déjà très très très riche. I didn't think there'd be vampires on campus, and I don't care. And why are you here? Et donc là, bah là, on apprend tout. Ils balancent tout sur la mythologie. C'est importante. Elle fait pareil, les mêmes discours. Bah écoute, Buffy, déjà, voilà. Je t'ai gentil, mais. Et surtout. Je suis juste une ado, quoi. Exactement. Et là, c'est génial parce que l'acte 2, donc on est dans l'acte 2 de la série, il fonctionne comme un acte miroir de l'acte 1. C'est-à-dire que Buffy va recroiser les mêmes personnes, mais on va plus du tout être dans la logique teen movie, lycée, les romances et tout ça. On va être du côté fantastique. On va être complètement en mode enquête et fantastique, mais avec les mêmes personnages. C'est complètement fou. Et le truc. Et là, le speech de Giles, sans escalier colimaçon, ça a tout de suite une autre gueule quand même. C'est un peu il va le faire pareil en descendant l'escalier. Tout de suite, mais voilà, la lumière est cool. Donc la mise en scène, ça change tout. Ah bah oui, ça change tout. Et il y a un truc à dire important, c'est que dans ces scènes-là, ça a été retourné après le jour où ça a été tourné la première fois. Joss n'était pas là et le réalisateur Charles Martin Smith avait donné une direction aux comédiens, enfin surtout à Sam et Shagala, de le jouer un peu plus énervé, un peu plus méchante, mais ouais, rebelle. Ouais. Alors, la légende veut que Sarah Michelle Gellar ait dit sur le plateau, ouais, t'es sûr, moi je pense pas et tout, et que le réalisateur a insisté, et qu'après, en post-prod, Joss et Sarah se soient dit, ouais, effectivement, c'est un raccord, t'avais raison, et donc, ça c'est, en fait, les plans sur Buffy ont été retournés, et les plans sur Giles, enfin, il y a genre 6 mois d'écart entre les deux plans. Et je crois que, ouais, sur Air Bud. Le chien a pas aimé son jeu au montage, ils ont redoublé, je crois. Il me semble qu'il était pas très fort au basket en fait. C'est ça. Il y a même 8 mois de décalage entre les deux plans. Entre les champs et contre du roi, il y a exactement la même chose. Entre les champs et contre champs. Mais Frodo. Chacun sa référence. Mais sinon, si vous voulez être Buffy, c'est peut-être mieux non, que parler de Air Bud et de. Ah ouais, s'il a une carrière, ce réalisateur, quand même. C'est pas n'importe qui. Mais non, mais le fait que le champ soit tourné, le contre-champ soit tourné 8 mois plus tard, voilà, c'est un truc quand même pour le public, c'est quand même une anecdote intéressante, rigolote quoi. Bah moi je trouve ça ouf. Non mais oui, tout série télé, c'est justement ils ont pu le faire parce que comme on l'a dit, toute la saison, toute la saison 1 est tournée en même temps. A été tournée d'une seule traite avant la diff. La diffusion, hein, le diff c'est le terme technique pour ceux qui travaillent à la télé. Et donc c'est la même fin d'acte 2, hein, c'est Xander qui découvre quoi, what. Qu'est-ce que c'est que lui aussi rentre dans le monde fantastique. Alors d'ailleurs, tu te demandais, hors antenne, tu te demandais à Ryles que faisait Sander dans cette bibliothèque. Alors là, c'est dit dans celui-là. Willow lui dit d'aller aller chercher des livres à la bibliothèque. Alors qu'effectivement, dans le Unearthed Pilot, c'était pas très très clair. On sait pas pourquoi il était à la bibliothèque. On sait pas pourquoi Sander se trouvait dans la bibliothèque. Effectivement, dans cette version longue, dans ce Rickwell, ça sert d'ailleurs. Ouais. On sait expliquer pourquoi Sander se trouve dans cette bibliothèque. Non, c'est beaucoup mieux. Enfin, l'écriture, c'est beaucoup mieux. C'est plus du. Il y a plus d'intrigue. On va pouvoir voir l'intrigue d'Angel en plus. L'autre était un brouillon, un petit peu. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est développé. Il y a eu cette scène dans le couloir. Ça gagne à être en 42 minutes. Dans le couloir entre Buffy et Giles, où là, ils ont carrément introduit le thème de la bouche de l'enfer, hein, sans le dire clairement. Ils ont dit attention, Sunnydale, c'est pas n'importe où, il se passe des trucs bizarres. Et effectivement. Et à propos de la bouche de l'enfer, voilà. On découvre dans un travelling qui va dans le sous-sol des bougies, une lumière un peu sanguinolente. Oh mon dieu! Et oui, un panneau au bas qui nous emmène du soleil de la journée du lycée de Sunnydale vers les ténèbres. En dessous, sous terre, il y a une espèce donc de cette église engloutie. C'est infernal, hein. C'est ruine entre les égouts et. C'est une autre ambiance là. Et donc l'église engloutie. Et on est avec les vampires. Alors dans les commentaires audio, Joss Whedon nous dit qu'en fait ils n'avaient pas le budget pour maquiller tout le monde, donc il y a quelques vampires et il y a surtout des gens qui ont une tête bizarre en fait. Et ils sont dit après ils sont méchants quoi. Ouais. Ah oui, bah lui derrière. Bah oui, voilà. Ils sont dit après qu'ils allaient plus le faire, ils allaient maquiller tous les vampires maintenant. Parce ah bah que, oui. Juste des gens à tête bizarre, c'est pas assez. Non, mais ça marche. On peut ne pas comprendre. Ça marche, mais on peut ne pas comprendre. Et donc effectivement, on avait Luke en train de prier face à une mare de sang. Et c'était la fin de l'acte 3. Retour au mode lycéenne, voilà, Buffy choisit sa robe. C'est la fin de l'acte 2 même, voilà, parce que là on est au début de l'acte 3. Une scène un peu légère. Et ça c'est bien aussi, ce qu'il n'y avait pas dans le pilote non diffusé, c'est qu'on peut développer un peu Joyce, le personnage de la mère, et c'est là qu'on ne l'a pas vu du tout avant. Ah, si, au moment de la voiture, mais là on apprend qui elle est, elle lui dit de faire attention, on apprend des choses sur son passé. On devine que voilà, il y a c'est un là que le un ouais, long, est-ce que le film est canonique ou pas, et c'est ce et, qui est et justement comme tu dis, dans l'épisode pilote, on la voit pas la mère de Buffy parce que tout simplement dans un premier temps Joss Whedon n'avait pas du tout envisagé qu'on voit les parents de Buffy. Buffy dont on devait l'avoir qu'au lycée avec ses amis, avec sa figure paternelle de Giles l'observateur, on devait pas voir les parents. Et il s'est dit finalement que ça pourrait être pratique d'avoir des scènes. Oui, parce que ça va rajouter toute une vision un point de vue sur les adultes et un point de vue adulte même sur les événements dans la série, c'est super. Et voilà, on l'a dit, cette série est divisée en deux mondes qui n'arrêtent pas de s'entrechoquer, le monde fantastique et le monde lycéen. Et la mère de Buffy est parfaite justement pour incarner toutes les obligations du monde lycéen de Buffy. Soit une gentille fille, va en cours, aie des bonnes notes, traîne pas trop avec les garçons, tout ça. Tout ce qui va à l'encontre de sa mission de tueuse, à l'encontre de son monde fantastique. Et elle cache d'abord, au tout début, d'ailleurs, elle cache son statut de tueuse à sa mère. Bah, pendant deux saisons. Ne l'oublions pas. Et là donc on a une séquence qui suit où donc Buffy est en route pour le bronze. Elle est suivie par un mec bizarre. Entrée en scène du plus grand stalker de tous les temps, Angel. Et c'est génial parce que il est sa première scène, c'est ça quoi. Il suit la meuf. Le mec va de nuit. Voilà, il va passer 3 ans à être derrière Buffy, à la suivre, à essayer de la protéger, à lui donner des conseils, machin. Et voilà, sa première scène, c'est ça. C'est je reste dans l'ombre. Je représente une menace quoi, direct. On se dit ouais, c'est forcément un vampire. Sauf que c'est finalement une protection au final. Mais oui, il joue sur ce. Voilà, on sait pas du tout à ce stade. Exactement. Dans cette première scène, il y a le double jeu. Donc je sais pas ce que je suis. Enfin, on ne sait pas ce qu'il est. La mise en scène appuie vachement quand même ce côté mystérieux. Le mec est entre deux. Bah oui. Totalement ambigu. Et ça rappelle le concept original. Je vous rappelle que Joss le répète. Hein, il aurait eu l'idée de Buffy contre les vampires en regardant un film d'horreur, en voyant une nana courser dans une ruelle sombre par un méchant, et il s'est dit si seulement la jolie blonde pouvait se retourner et commencer à défoncer le mec. C'est exactement ce que fait Buffy elle découvre au sol direct. Voilà, elle a tendu un piège à Angel et voilà, elle met Angel par terre, soumission, c'est moi qui ai le dessus, bonhomme. Ça passera pas comme avec les autres. C'est moi là, qui il est détendu, Angel, on le sent détendu. Oui, on le connaît pas en fait, c'est pour ça. Hein. Mais maintenant qu'on le connaît, du coup, il nous paraît détendu. Alors, au niveau du jeu, c'est absolument n'importe quoi. Alors, ça sera encore pire plus tard. Hein. On est d'accord. Parce qu'on sait pas trop qui est Angel. Parce qu'après, on va dire, oui, vous aimez pas Angel. Non, il joue pas très très bien. Ouais, là, il est en mode Angelus, je trouve un peu. Il est vachement relâché. Qui joue pas bien, ça, c'est, y a pas de problème, c'est une constante qu'on aura pendant 3 saisons. Mais il y a surtout, il est pas dans son Angel, le Angel qu'on connaît par la suite. On va voir que. En fait, ils savent pas exactement. Et en plus, le Joss veut laisser le doute au spectateur aussi sur sa nature. Non, puis sa direction d'acteur, la manière dont il joue, on en parlera dans la. Une scène de l'épisode suivant, la manière dont tu joues n'a aucun rapport avec la manière dont il jouera Angel pendant les trois. Ouais, mais c'est le personnage quand même. Sa manière de jouer influe vachement sur ce que tu penses du personnage, je trouve. Ben là, justement, non, là, il est à contre-courant du personnage. Mais voilà, c'est ce qui s'expliquera après par la background et tout. Mais par contre, une chose importante, là, il donne un cadeau à Buffy. Il donne. Alors en plus, c'est génial, c'est une référence à Dracula. C'est un peu la classe, quand même, une série sur les vampires. Je vois pas le rapport. De faire une référence à Dracula, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'à la page 59 du bouquin, donc de Bram Stoker, dont on a déjà parlé, il y a une vieille dame qui donne une croix en argent à Jonathan. Ouais. Parker, tu la prends cette putain de croix, elle lui dit. Quand il découvre. Dans des films. Ouais, il dit pas ça dans le bouquin. Mais bref. Dans même bien plus tard quand même. Et parce que pour la. Quand elle apprend qu'il se dirige vers le château du comte Dracula, elle lui dit bah prends ça, ça va te protéger. Et voilà, c'est exactement ce que fait Angel. Quand il rencontre cette truse pour qui la première cherche fois. À tuer ses vampires. Plan steadicam là pour découvrir le bronze. On arrive. Plan génial. On va rentrer avec Buffy dans le bronze. On part de l'extérieur du bronze, un plan très large. Et avec le fameux billard rouge, j'adore. Oui, voilà. Et on suit Buffy dans son entrée. Il n'y a toujours pas de coupe et on arrive sur la scène avec les Sprung Monkeys, c'est complètement génial! Ouais, champion! Ils ont le droit des plans, on les voit jouer, hein, c'est chouette aussi, comme il dit, c'est un truc qui va être bien et qui va être récurrent au moins les 3 premières saisons de la série. Un plan complètement génial, donc mais qu'on ne reverra plus jamais dans la série parce que c'était faisable techniquement parce qu'effectivement le décor du bronze se trouve donc dans un entrepôt donc de la production de Buffy dont les murs qui sont l'extérieur du bronze enfin sont les mêmes enfin voilà tu peux techniquement faire ce plan sauf que c'est tellement galère ça les oblige à tourner de nuit. Alors qu'ils tournaient beaucoup de plans intérieurs du bronze en journée, et ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Et Joss Whedon le dit dans les commentaires, ils ne le referont qu'une fois en saison 3, a priori. Ouais. Voilà, c'est beaucoup trop de contraintes de faire ça. Il y a beaucoup de rouge. Hein, entre le billard, là il y avait un plan sur le jus de tomate, il y a du rouge dans la main de Willow. Ça annonce le sang, quoi. Donc les Sprung Monkeys, donc le groupe de rock qu'on voit jouer sur scène dans le bronze, on entend plusieurs morceaux de ce groupe dans cet épisode et c'était aussi une marque de fabrique de la série, c'est de mettre en avant des groupes indépendants de la scène indé californienne, déjà pour que ça leur coûte pas trop cher en droit, pour avoir de la musique qui coûte pas cher et pour donner une identité à ce lieu, à ce bronze. Enfin moi je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai découvert le bronze, je me suis dit c'est un endroit formidable, j'ai envie d'y aller, mais oui je veux un bronze à côté de chez moi. Faye dit que c'est la seule boîte où elle a envie d'y aller. Je le comprends tout à fait. C'est pas incroyable. Tu retrouves tes potes du lycée. Il y a du rock génial dans les oreilles et à chaque fois différent. Et il y a un maximum de 10 à 15 morts par soirée. Quoi. Par contre, c'est un poil dangereux comme on voit. Mais justement. Mais là, on le sait pas encore. D'accord, on le sait pas encore. Ouais, mais il y a moyen de pécho parce que t'as l'air que même Willow va pécho ce soir au bronze. Eh oui. Pas de bol. Buffy lui conseille de saisir l'instant présent. Bah, oui. Et elle va suivre le conseil. Hein, c'est un peu sa philosophie, c'est Carpe Diem, quoi, tout simplement. Mais oui, mais elle se nourrit. Elle a vu Giles. Elle a vu Giles. Ouais. Qui cherche Buffy hein, et qui vont chercher les. Et voilà, et le jeu d'Alison Hagan, une nouvelle fois génial. Et dit, ça change tout. Ouais. T'es pas obligé de revenir à tout. Enfin, toujours à cette limite entre. Ah, j'ai plein de choses à te dire, pardon, excuse-moi d'exister, mais je suis génial quand même. Enfin, Et puis, c'est la pauvre. C'est ce qui va la jeter dans les bras d'un vampire, en fait. Ce conseil de Buffy, c'est beaucoup plus. Pareil, c'est mieux écrit que Willow, elle sort avec un mec parce que c'est pas possible. Enfin, oui, bien sûr. Il y avait dans le pilote. On voyait c'est beaucoup moins grossier aussi. On voyait pas pourquoi Willow se retrouvait avec un type. Ouais, la relation est vachement plus développée, tout simplement. Là, c'est expliqué. Ça change tout, quoi. Mais priorité au direct, donc Buffy est en train de parler avec. Avec Jace, donc à l'étage du bronze, il y a aussi un étage qui donne sur la scène. Plan génial, j'adore le étage bronze. Qu'on reverra souvent. Et ouais, qui est très souvent utilisé. Et là, par contre, il y a un truc qui est rigolo parce qu'ils ont pas dû avoir la même direction d'acteur, les deux comédiens. Parce que on voit que, enfin, si on écoute surtout, c'est au niveau du son que ça se passe. Tony Head, lui, il force sa voix, il crie presque face à Buffy parce qu'on a dû lui dire ouais, il y aura de la musique forte, oui, t'es dans une boîte de nuit. faut que tu parles qu'est-ce, fort. Qu'est-ce que tu dis? Et voilà, il le joue comme ça, alors que Sarah Michelle Gellar ne joue pas du tout comme ça. Elle parle normalement et tout, ce qui fait un écart très rigolo entre les deux personnages. Peut-être au niveau des prises après qu'ils ont ils ont pas trop eu le choix peut-être. Bah voilà, mais enfin ils ont pas été dirigés de la, je même, dis, la même manière. Moi je vais y aller. Oui, parfait. Non, je m'en vais. Oh, là c'est génial parce qu'il y a donc Giles qui dit à Buffy, faut que tu te serves de ton instinct pour détecter le vampire, si tu es la tueuse, tu es censée avoir des pouvoirs, et elle découvre le vampire juste par ses vêtements. Alors ouais, rappelle que par son look. Que dans le film, Buffy, donc Chrissy Swanson, découvrait les vampires grâce à ses règles. Elle avait des douleurs. Des douleurs abdominales. Ah oui, là, similaires à ces douleurs. Très bonne de idée. Règles. Moi, c'est une vanne, j'aurais pas osé faire. Bah non, mais c'est vrai, ouais, c'est, et donc, c'est une idée qui, effectivement, ils ont arrêté. tiens, est-ce que c'est pas un peu con, trop ouais, mais c'est, idée. Mais ah. c'est, ça, une, ça avait pareil une signification super forte sur le pouvoir des femmes, tout ça. Bien sûr. Voilà, là, c'est, là, Buffy va se servir de son sens de la mode, effectivement, pour découvrir pour les repérer. Vampires. C'est très drôle, ça casse pareil, c'est les codes du vampire, elle se moque des codes du vampire. Alors, est-ce que c'est pas une anecdote, pardon? Les années 80, quoi. Oui. Bah si, oui, peut-être un petit peu. Est-ce que c'est pas une anecdote qui est arrivée à Joss Whedon en personne, la réponse que lui fait Cordelia? Tout à fait, est-ce Clément que, Jesse, est-ce que tu veux danser avec toi? Jesse qui demande... Mais non, bien sûr que non. You want to dance? C'est Cordelia qui répond with you. C'est effectivement, dur. C'est true story, c'est quelque chose qui est un râteau vrai, qui est arrivé à Joss Whedon. À l'époque du lycée, donc c'est pour ça aussi également qu'il a détesté son lycée et qu'il nous a pondu une formidable, il a mal vécu le lycée, une formidable série sur le lycée qu'il a vécu, c'est comme un formidable enfer. Catharsis pour lui. Peut-être. Et c'est pour ça que, voilà, qu'il a créé ce concept du lycée en même temps, enfer. C'est dur le lycée, hein, je crois qu'on peut le dire. Tout ça champion dépend. Du monde qu'on est, le lycée c'est dur. Ah, champion, il était même Mbappé au lycée, il se faisait. Ouais, il était. Bah, c'était l'année dernière. Ouais, c'est vrai, il a eu son bac l'année dernière. Ah, pardon. Il était déjà génial. Ça venait peut-être de moi, mais le lycée a été une période difficile. Bien sûr, c'est nul le lycée. Là par contre, il y a un truc génial. Sauf si tu es vampire et tout. Quoi. Entre Giles et Buffy, il y a l'apprentissage qui se met en face. Parce que clairement, Giles va être la figure paternelle, le mentor de la tueuse Buffy. Et on va apprendre. Truc très très intéressant, pareil qu'on voyait pas dans toutes les séries, dans tous les films de l'époque, que l'apprentissage va se faire dans les deux sens, et ça c'est cool. Ça va pas être juste Giles qui donne des conseils à Buffy. D'ailleurs, ils sont filmés tous les deux en contre-plongée. Ça va être aussi Buffy qui donne des conseils à Giles. Giles, il croit tout savoir sur la tueuse, il croit savoir comment éduquer sa tueuse. Il se rend compte que, mais pas du tout, il se trouve face à une tueuse californienne qui trouve les vampires grâce à sa mode, grâce à la mode. Lui aussi va apprendre en fait de Buffy. C'est pas, c'est une relation qui va aller dans les deux sens, quoi. Il va apprendre à faire justement avec le Scooby Gang, avec les Slayerettes, avec Willow et Xander qui a priori n'ont rien à faire dans les relations maître-élève. Ça, c'est super. Ah, il va apprendre à changer lui aussi. Voilà, exactement. L'apprentissage se fait dans les deux sens. Et là, on a une scène qui a été cette scène donc dans la réserve du bronze. Facile, hein, le coup de la chaise, tac, elle l'a cassé comme un cure-dent. Ouais. Easy. Pardon, c'était pas moins intéressant. Exactement, Buffy est en chasse. Elle chasse le vampire. Sauf qu'elle avait plus son pieu. Et donc la scène a été retournée ultérieurement parce que elle n'était pas assez sombre. Selon Joss Whedon, pareil, pour toujours être sur ces deux niveaux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on est dans une teen movie ou est-ce qu'on est dans une fantastique? Là, on passe dans le fantastique pur. Exactement. Là, fallait qu'on soit à fond dans le fantastique. Et il a demandé donc qu'on refasse cette scène à Michael Garshman, le chef-op de la série. Et là, d'un coup, on repasse au monde de faire une ambiance très sombre. Au monde lycéen avec la musique qui revient, Cordelia. Et voilà. Oui, parce qu'on était dans une ambiance très glauque avec de la musique, avec des bruitages. Et là, bim, la musique d'ambiance des Frank Bunker revient. Elle prend la honte. On repasse dans une ambiance réaliste. Elle a une méga honte face à Cordy. C'est la première fois qu'elle passe pour une freak qui en profite tout de suite pour téléphoner à Cordelia pour dire ce qui lui est arrivé. Si elle avait Twitter, maintenant elle aurait tweeté. Elle aurait tweeté, je pense. Ou Instagramé, ou Snapchaté. Exactement. Alors, moi j'étais entouré de jeunes cet après-midi, ils ont passé leur temps à faire du Snapchat. Snapchat, c'est effrayant. Bah ouais, faut s'y mettre, hein, ça reprend tes passions. Des selfies, quoi. Et puis bim, son Snapchat directement. Bien sûr. C'est quoi qu'on fout. Il n'y avait pas ça à l'époque en 97. Ah, Jesse, elle, lui aussi a fait une conquête, et c'est Julie Benz, bien joué, mais. Ah merde, pas de bol. Mais c'est une vampire. Profite du jour présent. Ça signe ton arrêt de mort, Jesse, pas de chance. Julie Benz, pas mal quand même. Voilà, Audrey nous dit qu'elle préfère Jesse en vampire qu'en vrai. Et bah tout le monde, on va le voir, il va avoir un charisme de dingue. Le problème, c'est qu'il va, il va avoir du charisme, mais oui, mais il va être con, quoi. Voilà, alors un petit, petit point sur, ce, sur cette scène, donc où là, le maître émerge de la flaque de sang. Oui. Mais pas du tout mouillé. Donc, Sarfman, t'as une. Pas de sang sur lui. T'as ouais. une, non, mais t'as une explication, une justification à ça. Parce que c'est aberrant. CGI, et effectivement, il sort de la mare de sang sans sang sur lui. Parce que, mais au départ, il devait être plein de sang. Mais ça aurait été mieux. Il devait passer tout l'épisode plein de sang. Alors, peut-être pas tout l'épisode, mais juste cette scène plein de sang, ça aurait été cool. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Bah, c'était galère. C'était galère. Ça demandait. Bah, ça aurait doublé, triplé, quadruplé le temps de tournage de cette D'accord. scène. Parce qu'il aurait fallu faire plusieurs scènes. Donc, nettoyer le mec à chaque fois, oui, tout sûrement, ça. Sûrement. Donc ils se sont dit, voilà, on fait CGI, ça sera. Il y a quoi qui avait une référence dans L'étranger de Monsieur Jack ou pas? Dites-nous sur le chat si vous avez vu. Ah, il y a la scène dans L'étranger. Ah oui, c'est comme ça qu'il apparaît. Ah oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de sang. Bah non, il n'y a pas de sang. Donc le mec est donc coincé sous Sunnydale. Dans plusieurs Dracula. Il y a cette façon de revenir. Dans les années 50, la meurt, il y a aussi cette façon de, voilà. D'arriver. Et alors, le maître qui s'appelle de son petit nom, Heinrich Joseph Nest. c'est pas dit dans l'épisode, mais on le sait en lisant le script. Voilà, pareil, déjà, il avait mis plein de détails sur son personnage. Et il avait 600 ans. À l'époque. C'était marqué. Il ne les fait pas. Non, ça va. Hein. Il est encore frais. On n'a pas parlé de Luke hein, qui est joué par Brian Thompson. Je le trouve parfait. En tant que vampire nul, il est parfait. Ouais, il est, on sent qu'il n'est pas sûr de ce qu'il. Ah, je dois obéir aux ordres. Ok, j'amène la fille comme c'est prévu, mais je suis nul. Ah, tu parles du mec de Willow là. Non, ouais. Brian Thompson, c'est le Luke, c'est le sous-chef Luke. Du maître. Oui, pardon, Luke. Ça le disait sur le chat, c'est un mec qui est dans X-Files en fait, qui est vachement important dans X-Files. Ouais, quand j'ai vu l'alien. Ouais. Je me suis dit, ah, c'est le mec de X-Files D'accord, non, mais c'est. Un méchant de X-Files, très méchant. Là, il est très charismatique. Et sur la scène Luke. De Willow avec son petit ami vampire, il y a des trucs à dire ou pas? Parce qu'on l'a pas bah, signé, qu'il alors. Était parfait en tant que vampire nul. Du et coup, puis elle est un petit peu naïve quand même. Bah, profite du jour présent. C'est, ouais, tiens, mais là, elle est vraiment suspect quoi. Oui, mais regarde, oui, mais dans les répliques, elle dit T'es sûr enfin, elle est quand même pas dupe. Ouais. Elle sent que c'est bizarre. Moi, j'ai. Si. Mais donc, priorité au direct. On est là par contre entre Xander et Buffy qui sont à l'extérieur du bronze. Et là, le rapport au côté tueuse de Buffy et de ses nouveaux amis, c'est intéressant. Et ça permet encore de caractériser ce rapport avec les relations qu'elle a avec ses amis. Xander, le marrant, lui, il prend cette histoire de tueuse à la rigolade. Normal, il est marrant, il prend la rigolade. Jace, le vieux, toujours à côté de la plaque, il commence par se prendre un gros vent quand il met en avant cette histoire de tueuse face à Buffy. Et Willow, la première fois qu'elle verra Buffy en tueuse, elle sera en victime, elle se fera sauver par Buffy. Enfin voilà, chaque moment où les personnages vont apprendre cette histoire de tueuse aussi caractérise les personnages et comment ils seront à l'avenir également. On découvre la crypte, hein, le vampire a amené Willow dans la crypte et un décor aussi récurrent de Buffy hein, qu'on va voir assez souvent cette crypte. Oui, mais j'adore. Complètement logique. Complètement logique, oui, tout à fait. Ouais. Il y a un côté théâtral, je trouve aussi, qui avait un peu dans le pilote d'avant. Bah ouais, et puis il fait une scène super glauque parce que là. Ouais, on rigole là, plus trop. Hein, ouais. Déjà, c'est. Ouais, c'est et puis on voit déjà. Une lecture d'agression sexuelle, voire pire. Complètement, ouais. Le mec qui a emmené la nana dans un lieu isolé, un peu fermé. Tout à fait. C'est marrant. Très bien. Jesse arrive et il est en petite forme. Ah, mon ouais, dieu. Il est fait mordre. J'ai mal. Et voilà, la série bascule un peu, ce pilote bascule un peu. C'est là, sympa. On est dans le gros drama. Là, on a un petit peu, voire très drama. Très peur pour eux, quoi. Hein. Bah, tout le moment que les vampires font des vannes, moi, je suis pas toujours très inquiet. Oui, c'est leur compte décontracté. Enfin, en tout cas, Darla qui fait qu'elle a fait peur aussi, je trouve. Oui, c'est vrai que ça reste sa là, façon de. Oui, tout à fait. Oh mon dieu! Et Willow crie. Et voilà, elle est là. Il y a un peu le même problème encore. Ça, c'est un énorme what the fuck. Il y a Buffy et Xander qui débarquent. Voilà. C'est comme tout à l'heure, ils étaient pas au courant. Ils ont entendu, des hop, gens parler. Ils ont entendu. Je vous rappelle que dans la scène précédente, Xander et Buffy n'avaient aucune idée d'où se pouvait se trouver Willow. Et que dans Sunnydale, il y a juste 12 cimetières. On est d'accord. Mais là, la porte était ouverte du mausolée. Oui, mais dans un des 12 cimetières. Ils ont fait les 12 cimetières. Coup de bol. Voilà, c'est n'importe quoi, mais j'ai voilà. J'ai pas prévu d'être là moi ce soir, je suis arrivé par hasard, mais pareil. C'est ça aussi Buffy, c'est parfois on prend des petits raccourcis scénaristiques. pour privilégier les émotions. L'action, parce que c'est ce qu'il nous faut du combat à la fin. C'est l'histoire qui est le plus important. Voilà, on privilégie l'action et les combats et le rythme plutôt que ils ont abandonné l'effet. L'effet spécial a changé sur la destruction du vampire. Ça, c'est pas plus transformé en ciment le vampire. Voilà, maintenant c'est de la poussière. C'est explosant. C'est beaucoup plus crédible. C'est vachement mieux. Et voilà, et on voit Buffy tuer un vampire pour la première fois. Waouh, la meuf, elle est badass quand même. Elle est capable de tuer des vampires. Dans le pilote, elle tue de la même façon. Dans le dos, elle met son pied dans le dos un peu sans faire exprès. C'est. Parce qu'elle elle est balèze. Ouais, c'est pour son premier vampire. Sur... Peut-être que Joss veut pas qu'il soit de face. Je sais pas, c'est bizarre comme premier coup. Ouais. Comme si c'était pas fait exprès. Alors qu'on sait déjà qu'elle a une super force, quoi. Bah, justement, peut-être c'est pas. Là, pareil, motif récurrent, elle va pas arrêter de faire des petites vannes avant de tuer des vampires. Tout exactement, et elle fait peur à Darla. Darla, qui était le personnage le plus flippant, qui a... Et là, sauf qu'il y a Luke qui arrive. Ah, c'est lui le plus flippant, finalement. Bah, oui. C'est le vampire badass de l'épisode qui va passer beaucoup de temps à parler en fait au lieu de passer à l'action. Ouais, il est beaucoup trop. C'est un méchant de base, il va parler au lieu d'agir. Donc c'est un petit peu trop facile que notre adolescente super-héros défonce les jeunes vampires. Elle doit se battre contre le patriarcat, je vous rappelle, c'est une série féministe. Et donc elle doit botter le cul d'un grand type blanc qui se pense invincible, supérieur aux autres. Il le dit à Buffy, you're strong, I'm strong. Tu es forte, mais je suis plus fort que toi. Ça, c'est du dialogue. Exactement. Et donc, c'est par Luke que passe tout ce sous-texte féministe. Ah, plan du générique. On porte Jessie dans le cimetière. Mais c'est un plan qui a de la gueule. Ouais, c'est génial. Et là, ils sont encerclés. Hein. Ça se passe très mal cette fin d'épisode. Ah, ça change la vie d'avoir un vrai chef-op par rapport à l'épisode pilote qui était dégueulasse. Là, on a une vraie lumière. Buffy, elle se défend quand même. Oui, fait ça des va. Pirouettes. Elle doit se faire Luke là. Oui. Lui planter son gros pieu. Tout à fait. Et finalement non. Mais finalement non. Luke le parce dit. Parce que Luke est fort. Le dit The Earth will belong to the old ones. La Terre appartiendra aux vieux. C'est aussi ça, Buffy. Là, c'était une belle cascade. Elle a dû se faire très mal, Buffy. Là. On n'en a pas encore parlé, mais Buffy, ça va être une série qui va mettre les jeunes face aux vieux. Et qui va. Les jeunes vont dire souvent dans cette série aux dieux, non, les gars. Aux vieux. Qui vont dire aux vieux. T'as dit aux dieux. Aux vieux dieux également. Les jeunes vont leur dire cette terre, elle nous appartient à nous aussi. Et on va pas se laisser dicter notre conduite par vos vieux gars là et vos vieilles traditions. On va ou vos vieilles représentations du fantastique, comme on l'évoquait. On va les casser quoi. Nous on va casser les codes et nous on va foutre le bordel là-dedans. Réapparition du squelette, mais là aussi beaucoup mieux que dans le pilote. Et Buffy après avoir être né au début de l'épisode, se retrouve en train de mourir dans un cercueil allongé également. C'est vrai, j'avais pas vu. Exactement, Buffy se retrouve dans le cercueil sacré. En plus en soumission totalement, on a encore là cette lecture de l'agression. Elle est comme tétanisée par cet agresseur. Suivre. Et voilà, on termine par un freeze frame du plus bel effet. Ah oui. Et tout le continue affiché à l'écran. Suivre. On laisse notre old school. Notre tueuse en grosse difficulté, et tétanisée par l'agresseur. On ne sait pas comment elle va faire pour s'en sortir. Bloquée, bloqué par les parois de ce cercueil, ça s'appelle un cercueil, c'est ça tombeau, ce caveau. Buffy est mal barré. Et c'est sur ces mots que nous allons arrêter le podcast également. Fini. C'était une bonne soirée. À la prochaine. On saura pas ce qui se passe plus tard. On saura pas. On fera un autre épisode d'ailleurs la prochaine. Qu'est-ce qu'il fait avec tu prépares un jingle? Une petite conclusion quand même. Ah bah bien sûr. Allez, c'est parti pour la conclusion. On n'est pas des bêtes. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, la conclusion de cet épisode incroyable. Donc premier épisode de la série Buffy contre les vampires. Ouais, on est champion du monde. Sarfman est au bout de sa vie, il est au top de sa forme. Magique. C'était dingue. Alors, j'ai rien dit de ce que je voulais dire. Très bon premier épisode. Bah vas-y, c'est la conclusion. Alors vas-y Clément, faut tout commencer là. Non, je l'ai pas en fait, vas-y. Alors faut que je commence. Ouais. Alors qu'est-ce que moi j'ai pas dit dans cet épisode? j'ai pas parlé du couloir. la scène entre... Effectivement. Ah, oui. Tu nous en parlais juste avant qu'on enregistre, d'ailleurs. C'était, t'as dit, il faut pas que j'oublie le couloir. Allez. Pas de bol. Le couloir dans lequel Cordelia et Buffy déambulent avant que Cordelia mène Buffy à la bibliothèque. C'est d'ailleurs intéressant que ce soit son personnage Némésis qui l'emmène vers son terrible destin de tueuse qu'elle redoute. Et ben c'est le, il y a un couloir en fait, il y a un couloir qui est filmé en deux fois de deux manières différentes avec des affiches qui ont été changées de place pour faire croire qu'elles ont déambulé dans le pas trop de budget dans le lycée, mais en fait elles ont fait deux fois le même couloir, ouais, dans ça, un temps puis dans l'autre. Ça c'est un peu vu, mais bon, ça se voit beaucoup. C'est voilà, il y a pas vraiment beaucoup de budget dans ce premier épisode, dans cette première saison surtout. Il y avait aussi le décor de la bibliothèque qui est, même si on l'a dit, pas exactement comme ce qu'aurait voulu Joss Whedon, il est quand même beaucoup plus sombre que le reste du lycée, et c'est pas anodin. On est dans une pièce pleine de livres, voilà, les savoir sans personne, mais oui. les ados, ça les intéresse pas. C'est le passé aussi, cette bibliothèque, c'est mystérieux, alors que c'est l'informatique, le moderne, enfin voilà, on est dans ça une sera pièce tout le temps vide, cette bibliothèque, le en mystique. Plus c'est vrai qu'il n'y aura jamais personne, et d'accord, un étudiant, non je travaille, je fais mes devoirs. On est dans une pièce anachronique, et forcément donc qui est peuplé d'un maître anachronique également, le vieux de l'histoire, Jace, avec ses fringues également d'un autre temps, enfin c'est et son accent british un peu bizarre, et son accent british, un peu voilà, télo. C'est tout est raccord entre, enfin ça c'est génial, le personnage de Jace, ses fringues, son décor, sa bibliothèque, c'est tout est cohérent, c'est assez génial, et ça fait vraiment une grosse différence avec le monde des adolescents. Clément, tu avais quoi à dire en conclusion, toi ? Alors déjà, un petit oubli, en fait, là, quand Buffy arrive, quand elle est accompagnée par sa mère au tout début de l'épisode, il y a une musique, et les paroles de musique, là, ça dit « anti-hero », et là, il y a un plan sur Buffy en contre-plongée où il y a « anti-hero », je pense que c'est pas anodin, parce que tout de suite, on nous annonce que Buffy sera pas une héroïne comme vous avez l'habitude de voir, c'est pas une anti-hero, mais quand même... Effectivement, elle correspond pas au canon traditionnel du héros, et donc ça c'est cool. Et puis non, mais en conclusion, je vais être très classique quoi. Enfin, quand on est habitué à voir du Buffy, celui-là il paraît un peu cheap, mais comme il pose les bases, je trouve, comme Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, tu vois, c'est l'épisode fondateur de l'univers, et bah tu l'aimes beaucoup quand même. C'est tout pour moi, c'était Clément. Riley, une conclusion ? Moi j'adore cet épisode, c'est presque aussi bien que le pilote de Lost, hein, c'est dire. C'est dire pour un pilote. Et voilà, chacun c'est. Non, il y a tout dans cet épisode, dans ce premier épisode. C'est ça qui est hyper fort, je trouve. C'est maîtrisé à 100%, quoi. Les ça a comédiens du potentiel sont top, ouais. Entrée, ouais, t'as envie de. T'es pris dedans direct, quoi. C'est comme. C'est là, quand même la troisième fois qu'il fait Buffy. Hein. Il a fait le film, il a fait le pilote non diffusé, ouais. Et donc il refait la troisième fois. Le mec, il insiste quand même. Hein. Ouais, mais du coup, il a eu le temps d'affiner, de préciser peut-être sa pensée, de savoir exactement thématiquement ce qu'il veut raconter. Tout et de. Que ça influence chaque scène, chaque réplique. Ouais, il a travaillé. C'est très réussi. Il a travaillé sur la longueur, mais par contre, les thèmes fondamentaux sont là. Ça bouge pas. Alors deux choses par rapport à ce que vous dites. Effectivement, donc c'est une première partie de pilote, par contre. Oui. C'est très bien, sauf que le premier. Ça n'est pas fini. Effectivement. Le premier épisode de Buffy, bah c'est les deux épisodes. C'est Welcome to the Almus et Dear West. Regardez ce qu'on va voir, et qui est un petit peu moins bon, un petit peu plus faible, même beaucoup plus faible que l'épisode qu'on vient de voir. Donc effectivement, c'est pas évident de commencer une série et de tout y mettre d'un coup. J'avais aussi une petite référence de Willow qui parle du professeur Chomsky à un moment donné. Oui, avec le vampire. Quand elle est avec les vampires. Noam Chomsky. Voilà, c'est peut-être à vérifier, mais peut-être c'est une référence à Noam Chomsky, qui est un universitaire américain dans les années 50. Willow étant cultivé intellectuel, il y a des chances que ça soit une. Ouais, c'est forcément ça. Bah, là, c'est le professeur, donc c'est un des professeurs du lycée, mais aucun intellectuel qui a développé une grammaire représentative générale. Bon, je vais juste aller sur Wikipédia parce que j'ai pas tout compris, mais. Mais le gars, en fait, c'est quasiment un anarchiste, et du coup, il a créé une grammaire une communication un peu pacifique pour une nouvelle façon de transmettre les choses et le savoir. Voilà, enfin, c'est assez intéressant. La société différemment. Ça m'étonne pas que Joss Whedon ait cette référence, et c'est très lié aussi à ses orientations politiques finalement. Donc, tout à fait, c'est cohérent là aussi. Tout à fait. Et alors, une dernière chose qu'on a à dire sur cette première partie du premier épisode de Buffy, c'est que dans les commentaires audio, Joss Whedon, il n'arrête pas de se plaindre du manque de moyens qu'il avait eu pour ce premier épisode. Alors, faut savoir qu'il a enregistré ses commentaires audio à l'époque de la troisième saison. Donc du temps était passé, les moyens avaient un peu grandi, et il n'arrête pas de dire « Ah ouais, si j'avais plus d'argent, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Et est-ce qu'on n'est pas en face du syndrome George Lucas ? Voilà, c'était sûr. Voilà, tu parlais de Star Wars, Clément. Justement, mais heureusement qu'il n'a pas eu tous les moyens, heureusement qu'il n'a pas fait tout ce qu'il avait envisagé, parce que peut-être qu'il aurait trouvé moins de solutions intéressantes narrativement. Oui, parce que des contraintes naît la créativité, c'est important. Et c'est toi qui le disais, Sarban, il voulait que les vampires volent. Exactement. Dans la série aussi, comme dans le film. Ça aurait été cool, ça. Non, moi j'aurais pas été contre des vampires volants. Moi ça m'a gêné à ma première vision de Buffy, donc il y a de ça très longtemps. Je fais tiens, pourquoi ils volent pas quand même les vampires, ça m'a. Tu les as dans le film, ils volent. Tu les as vus voler dans le film? Non, bah non, mais la question n'est pas là. On parle de la série, essaie pas de m'embrouiller. Bah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, faut pas voler les vampires, c'est n'importe quoi. D'accord. Très bien. Et donc, heureusement qu'il a pas eu les moyens de le faire, ce tonton Joss, parce que sinon ça aurait été nul. Fin de conclusion, donc c'est le moment de passer à l'épisode 3, enfin à The Harvest. Mais avant, on va passer à quelque chose de très important qu'on a teasé en début d'épisode. Ah. C'est le moment de l'énigme de Tonton Jace. Je voudrais t'écrire les mots vrais pour guider ton destin, être comme un père qui transmet et qui te prend la main. Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme. Une quoi ? Plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce ? Je m'en branle en fait. Juste donne-moi la clé. Non. J'ai pas que ça à foutre en fait. On s'en fout. Non, c'est pas ça. Alors, il se passe des choses incroyables pendant le podcast. Déjà, on a un pass pour le fan meet Slay the Vampire Again et vous faire gagner. Mais surtout, on a un gros bisou à faire en direct à Pitou. Pitou, monsieur Pitou et papa. Qui vient à l'instant de nous envoyer un petit texto, nous annonce. J'espère qu'il nous écoute en tant que l'accouchement de sa femme. Hein. Non, mais chérie, je peux pas, là j'écoute pourquoi Buffy c'est génial. Mais il va être obligé d'appeler son enfant Buffy ou Riley, c'est obligé. Non, ça sera Ulysse. Ça sera Ulysse Tanguy. Gros bisou à Ulysse. Sachant que le premier enfant de ce Pitou était déjà né. Elena, oui. En live. Enfin, live. Pendant un pourquoi Buffy c'est génial. Enfin, il cherche un petit peu. Il cherche à ne pas nous écouter en live. Toujours la bonne excuse pour ne pas nous écouter. Ah non, aujourd'hui j'ai un enfant, je peux pas, tu comprends. Mais bon, énorme bisou à Pitou, à Marilyn et sa femme, qui a fait le boulot quand même. Et aux deux petits, d'énormes bisous, on vous aime très fort et on sait que vous aimez Buffy. Riley, sans plus attendre, le concours. Alors, à gagner, on vous rappelle le pass pour la CloudCon, donc le 3 novembre 2018 en région parisienne. Le fan meet. Le fan meet Claude. Slay the Vampire Again. Ouais, c'est ça, c'est The Vampire Again. Donc la question, il faut répondre à la question dans les commentaires sur le site, c'est très important sur le site. On prendra pas en compte les réponses sur Facebook, Twitter et le reste. Et Snapchat. Donc parmi les bonnes réponses, on fera un tirage au sort. On rappelle que la convention est sold out pour l'instant. Il n'y a aucune place. Il n'y a plus que nous qui avons des places. Et attention, et il va y avoir des annonces, des nouvelles annonces dans les semaines à venir, avec des surprises. On a plein de surprises. Non, on va pas balancer toutes nos cartouches la première fois. Il va se passer des choses. On va parler en finlandais. Il faut être à cette convention. Il y aura des panels, des interviews, il y aura des stands, il y aura des jeux. Il faut absolument être à cette convention. Donc si vous n'avez pas votre passe, répondez à cette question de Riley immédiatement. La question, la voici. Alors, dans la série Buffy contre les vampires, comment s'appelle le personnage principal? Réponse A, Buffy. Réponse B, Kylian Mbappé. Putain, c'est super dur. C'est ça la question. Voilà. Donc Buffy ou Kylian Mbappé, vous répondez dans les commentaires sur le site. Quelle personne a influencé votre vie vraiment ces derniers jours? Qui est le personnage principal de la série qu'on commente? C'est très dur. C'est très très dur comme question, Riley, t'es sûr? Tu m'avais dit, Sartman, il faudra une question impossible pour les auditeurs. Ça se passe, c'est vraiment précieux, on peut pas le donner à n'importe qui. Attends, redis, c'est quoi? Alors il y a réponse A, c'est Buffy. Réponse B, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. C'est chaud. Mais je sais en plus, je le sais. Oh, je le sais, ça m'énerve. Les gens sont. Bah, la question c'est trop chaud, c'est clair. On vous laisse réfléchir sur cette question. Ah, même toi, Big M, tu trouves pas la réponse. Hein. On fait moins le malin, hein, Big M. On vous rappelle donc, il faut commenter donc l'article de ce podcast sur le blog pourquoibuffycestgenial.wordpress.com et on tirera au sort la bonne réponse qui donc recevra un pass pour le fan meet. Et donc les gens sur le chat, faut être au taquet le jour de la sortie du podcast parce que là, si vous répondez maintenant, il n'y a pas de rapidité. Je vois déjà des bonnes réponses sur le chat. Ils sont déjà trouvés, ils sont forts, ils sont très forts. Et tout de suite, c'est l'heure du troisième épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Troisième épisode de la soirée, c'est complètement fou. On va parler de The Harvest, donc bienvenue à Sunnydale, deuxième partie en VF, l'épisode 2 de la saison 1. The Harvest, ça veut dire la moisson. La moisson, tout ouais. à fait. Il a été diffusé pour la première fois le 10 mars 1997, donc exactement le même soir que l'épisode précédent. Donc ils ont été diffusés dans la continuité en une seule fois d'un coup. Avec des pubs quand même. Avec des pubs, ce qui fait que, ce qu'ils appellent ça un épisode de 2 heures, parce que vous savez que les même si nos épisodes font entre 40 et 42 minutes ici sur nos DVD, aux États-Unis quand ils sont diffusés, ça dure une heure parce qu'il y a des et pubs tout le temps. Il y a les coupures pubs. Donc là, le double épisode était un spécial pour lancer la série de 2 heures, donc qui était passé d'une traite. L'épisode a été écrit par Joss Whedon et réalisé par John Kretschmer, qui a fait le film Kretschmer. Avec le chat qui fait du golf. Là, vous savez. Je ne sais pas. Faux, hein, évidemment. Ça, c'est une vanne, mais une très bonne vanne. Et on sait des trucs sur John Kretschmer. Bah, il a fait, c'est un réal de télé, hein, et il a fait Homeland comme série notable, quand même. Pas mal. C'est Homeland, qui est une notable. Bonne série. Est-ce qu'on a envie d'entendre un petit pitch de Riley, Clément? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Parce qu'il a pas été terrible pour l'instant. Mais est-ce qu'il a un pitch déjà? Bah, bien sûr, j'ai préparé un petit pitch pour cet épisode. Ouais, mais est-ce qu'il est... Ça fait 38ème podcast quand même. Est-ce qu'il est mieux que les précédents? Alors, je vous le lis. Je suis pas sûr de. Puis après, on juge. Ouais. Allons, le chat, alors, vous le dites. À chaque génération, il y a une élue. Seule, elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. Là, je suis pas sûr sur les forces de l'ombre, je suis pas sûr. J'hésite, les forces du mal, les forces de l'ombre. D'accord. Et elle est la tueuse. On l'appelle Buffy. Ou elle s'appelle Buffy. Ok. Et je me suis dit, Giles pourrait le dire. Ça ferait que tu fasses au montage. Je voudrais voir à la fin de la fin du podcast, voilà. Riley. Il y a des choses à régler, je pense. Je trouve ça bien, non, c'est... Est-ce qu'on a des choses à ajouter avant de commencer? Ouais. En 97 était sorti à l'album Missing You de Puff Daddy, Barbie Girl de Aqua, Bop des Hanson. Ah oui, les Hanson, j'adorais ça. Daft Punk, des Daft Punk évidemment. Il y avait Around the World, encore des Daft Punk. Les temps changent de MC Solar, Je zappe, je mate de Passy. Si vous m'arrêtez pas, je continue toute la liste, j'en ai rien à branler. Te garder près de moi de Alliage, quand j'ai peur de tout de Patricia Cass. Et surtout, j'ai gardé le meilleur pour partir un jour des To Be Free. C'est vrai qu'on était à l'époque des boys band encore. Eh oui. Fallait vraiment bien choisir son camp entre Daft Punk et To Be Free. Moi j'ai pris To Be Free. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que chez vous vous êtes muni de votre télécommande ou de votre souris ou de votre voix pour appeler Google ou Alexa, je ne sais pas. On va lancer l'épisode 2 de la saison 1 de Buffy contre les vampires. On va lancer The Harvest. Bienvenue à Sunnydale partie 2 pour ceux qui regardent les VF. Attention. 3. Je vais dire top. 2. 1. Top, c'est parti en direct live. Si ça marche. Et on est sûr de marcher. Ah, ça marche. C'est la suite directe. Et voilà. C'est effectivement la suite directe de la fin de. Elle va se faire croquer Buffy là. Ouais, mais pas du tout. Mais non, réaction. Et voilà, on reprend exactement où c'était arrêté. Parce qu'on vient de dire, c'est un épisode qui a été diffusé dans son. Les deux en un, quoi. Et bim, comme dans Dracula, le vampire dégueulasse est sur le point de sucer la force vitale de la jeune personne. Et on est empêché par le pendentif crucifix. Qu'elle porte autour du cou, c'est quand même bien joué Buffy, et bien joué Angel d'avoir offert ce cadeau. Hein. C'est vrai, ça lui a servi tout de suite. Et donc on est dans du classique Buffy là. Et voilà. Le cimetière. Les Buffy la nuit dans un cimetière. C'est le Buffy qu'on aime. On commence avec le code qui reviendra très très récurrent. Pff, elle a fait un double coup de pied, coup de poing, là, génial. C'est un code de tous les débuts d'épisodes des trois premières saisons, c'est quasiment ça tout le temps. Et voilà, on le a. Cimetière de nuit. Dans un cimetière. Cimetière d'Hollywood, hein, nous a dit Joss Whedon dans les commentaires audio. Il fallait se déplacer, c'était compliqué. alors qu'en saison 2 et 3, ils vont construire leur propre cimetière dans leur studio, voilà, pour pépère, faire les feignants. Pépère. Pour être un peu plus pépère. Mais donc c'est pas mal ce cimetière, il est grand. Jessie a disparu par contre. Jessie par contre a disparu et ça nous a permis d'avoir un plan assez cool, un plan en contre-plongée dans lequel on voit Willow qui aide Xander à se relever. Déjà c'est magique et ça souligne encore ce que je disais avec l'épisode le pilote non diffusé. On est dans du féminisme latent dans cette série. C'est les filles qui aident, qui sauvent les garçons en danger et évanouis. Et voilà, c'est une nouvelle fois un symbole fort et l'inversion des codes traditionnels. Qui est importante dans la série. Le générique, alors là faut qu'on en parle. Toujours aussi bien. Il cartonne. On pourra pas en parler trop. Ce qu'il faut noter dans ce générique génial, c'est l'orgue. L'orgue du début. Oui. Qui nous fait le thème, qui nous fait les mêmes notes que le thème de la série, mais qui nous fait à l'orgue à l'ancienne. Ah oui, et ah qui oui. Tout de suite est brisé par les balayé guitares. Par un riff de guitare électrique. Très jeune, très californien, très rock. Là aussi, même dans le générique début, on a le concept de la série, le moderne qui vient bousculer les vieilles représentations. Là, toute moisie, là, toute dégueulasse, qu'on aime Charles pas. Charles s'arrête la terre quand même avec sa main. Ouais. Et voilà. Priorité direct. Bravo, on peut pas en faire plus sur le générique. Bah, ouais, on fera la conclusion. Allez, priorité au direct. Priorité direct, on est retour à la bibliothèque et Giles maîtrise du lieu, quoi. C'est lui le patron, quoi. Et présente en fait l'univers de Buffy au spectateur et à Alex et Willow. Il y a des vampires, il y a des démons. La Terre est contrôlée et envahie. Et pour eux, la Terre s'arrête de tourner, quoi. Ouais. La mission. Ils passent dans un autre monde, Willow et Alex. Ah bah, ils sont conscients de. Et ils y vont du un monde petit peu secret, du monde occulte. Tout à fait. Et c'est un peu effrayant pour eux. Ils y vont pas franchement tout de suite. Il y a un petit rejet, c'est normal, quoi. Enfin. Ouais. Dans le monde qu'on connaît, et tout d'un coup, voilà. Il y a peut-être Jésus pour certains, Dieu qui a créé le monde. Il y a les scientifiques qui te disent, bah oui, la Terre tourne autour du Soleil, tout ça, machin. Puis dans un contexte particulier, il y a Jesse, leur meilleur pote, qui est porté disparu, qui a été enlevé par des monstres. Et donc voilà. C'est pas du tout rigolo. C'est un truc classique de Buffy qu'on va souvent revoir, la bibliothèque, le Scooby-Gang, mais il y a plus de vannes d'habitude. Hein. Bah là, en même temps, elle vient de dire, oh, faut que je m'assoie, alors qu'elle est déjà assise. Il y a de la vanne. Ouais, c'est vrai, c'était drôle. C'était très drôle. et voilà, et donc Giles est en train de leur expliquer comment fonctionne le nouveau monde dans lequel ils viennent de pénétrer. Et ben ça fonctionne comme ça, il y a des old ones et des vieux vampires, des vieux démons. Faut faire avec. La vie, ça n'a rien à voir avec l'ancien monde, donc c'est pour ça qu'il arrête cette map monde de tourner. Par contre, vous avez noté la formidable chemise de Xander. Oh, c'est oui, vrai, oui. Avec des champignons. La chemise champignon, moi je suis ultra fan de cette chemise. D'accord. Si jamais, c'est peut-être la plus belle chose que j'ai vue de ma vie avec hier soir. Avec la frappe de Benjamin Pavard contre l'Argentine. Et voilà, si vous avez un plan pour se procurer cette chemise champignon, vous envoyez un mail à pourquoibuffysignal@gmail.com. Pendant ce temps-là, les réunions du maître. Réunion avec ses minions. J'ai une remarque un peu troll, je sais pas si je la fais maintenant. Non, fais pas. D'accord. Je la fais quand même. Lord Dantier les empêche de parler. On sent que les comédiens en VO sont un peu gênés par le Dantier qui déforme un peu les sons, ouais, forcément. Leur façon de parler. Ah, tu crois pas si bien dire. Joss Whedon en parle également dans les commentaires audio. Et voilà. Il dit que. Même, il en parle avec Jesse quand Jesse deviendra vampire. Il dit, ah ouais, j'ai peut-être mis un peu trop de S dans cette réplique, ouais. Parce qu'ils galèrent un maximum. Effectivement, ils vont se rendre compte de ça, que les vampires, quand ils ont leurs dentiers, soit faudra faire de la post-synchro, soit faudra les faire pas trop parler, et les faire parler quand ils auront leur visage normal plutôt, parce qu'effectivement, ça leur fait des osotements. Il y a que le maître qui reste tout le temps en vampire, en fait. On voit jamais son vrai visage, le maître. Le maître, on n'en a pas parlé d'ailleurs, c'est Marc Metcalf. Ernest, tout à l'heure dit Ernest. Oui, c'était son nom de personnage. J'ai compris, mais. Et personnage pas anodin qui a eu une importance dans le développement du personnage du maître. C'est lui qui a proposé qu'il soit chauve, par exemple. Il ressemble au Nosferatu, enfin, il est très inspiré du Nosferatu de Murnau. Contre Marlock. Au départ, ce maître, ce vieux. C'est pas Karloff, non. Bref. Ce vieux vampire devait avoir des cheveux. Il a dit, est-ce qu'il serait pas chauve? Ça nous rappellerait, ces vieilles représentations des vampires. Et ça tombe bien, vu que Buffy, la moderne, doit combattre les vieilles représentations. Donc ça tombait bien. Et également, à un moment donné, il va dire, il l'a pas encore dit, ou il le dira après, je sais plus, il va dire « You're all awake ». Ça, c'est une référence directe au film qu'il avait tourné en 78, film pour lequel il est un peu le plus connu, qui s'appelle Animal House, qui s'appelle American College aussi. Enfin, c'est un film. Ah oui, American College. Et bien sur le chat. Vous êtes scandaleux. On peut pas. Enfin, bref. Merci. Bon, priorité au direct. Conclusion, de toute façon, c'est pas. Là, on se peint. On est à la bibliothèque. Il se passe quoi, messieurs? Bah, il cherche des livres. Non, non. Il y a Willow qui parle d'internet. Super sur cette mise en scène, c'est qu'elle indique. Buffy est une série qui vit avec son temps. Ah, ouais, tout à fait. Il y a internet. C'est vrai que il fallait le noter. There may be another way. A slayer. Le maître apprend que la tueuse est dans le coup. D'accord, je vais enchaîner. Oui. un mot de John Voolish. John Voolish, on en parle déjà, pas assez. Il est rigolo. Il est génial. C'est le chef maquilleur de Buffy. Et c'est lui qui fabrique tous les monstres et les masques de vampires, notamment. Enfin, avec toute son équipe, évidemment. Et c'est à lui qu'on doit donc ce masque du maître qu'on voit en direct à l'écran. Et il s'est inspiré des visages de chauve-souris pour designer ce maître. Et effectivement, on voit un petit nez qui ressemble un peu à une truffe et tout. Enfin, on voit un peu un petit visage saloperie qui vole là, saloperie de vampire. Et on sait pourquoi il redevient pas humain le maître aussi. Donc c'est une décision. Oui, c'est une décision de la production de dire que le maître est tellement vieux, est tellement méga. Gavieux est tellement méchant qu'il aura en permanence ce visage de démon, ce visage de vampire. Ça marche. Hein. C'est comme ça qu'il le justifie. Mais pareil, une nouvelle fois, c'est un truc qui n'est pas dit. C'est un truc qu'on imagine. C'est le méchant. C'est le big bad de la saison. Donc effectivement, ça tombe sous le sens qu'il ait cette particularité. Il représente l'ancienneté, tout simplement. Tout à fait, le vieux monde. Et on est, ça y est, priorité au direct, on est sur Internet. On est, c'est parti. Willow a des nouvelles compétences et elle apprend à Giles qu'on peut trouver des trucs sur Internet. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc en noir et blanc, Il y a un flashback en noir et blanc là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode d'avant. Elle se souvient. On vous l'a dit, hein, en fait, du bruit, arrêtez. Les premiers épisodes, c'est aussi les moments de faire des expérimentations. Et donc là, on a quelque chose qu'on reverra pas trop. Un flashback en noir et blanc. Un flashback en noir et blanc, ouais, bon. Okay, pourquoi pas. Alors que c'est un truc qu'on a vu il y a peut-être 20 minutes, quoi, à tout casser. Que les gens ont vu dans la continuité les deux épisodes. Hein. Merci. Pour faire se ressentir à Buffy, elle est un petit peu traumatisée. Oui, c'est comme des flashs qui apparaissent. Ils font pas confiance aux acteurs pour jouer le traumatisme. Peut-être. J'ai de voir. Pour ceux qui n'ont pas l'image, on a revu Buffy se rappeler que Luke est venu l'agresser par derrière. Et c'est comme ça qu'elle se dit: ah, mais si je suis venu par derrière, c'est que doit y avoir une entrée secrète dans la crypte. Et bref, on nous a montré un flashback en noir et blanc pour nous montrer ça. Je sais pas si c'était vraiment. C'était pas utile, voilà. C'était pas vraiment nécessaire. Et j'aimais ce plan parce qu'il rapproche Giles et Willow, les deux intellos de la bande, qui sont indispensables pour le bon fonctionnement du Scooby Gang. Avec un ordinateur également dans le cadre, ils sont tous les trois, c'est des têtes pensantes, quoi. Et ouais, c'est eux qui vont être chargés des recherches. Et Joss. Là, ça y est, ouais. Bah pardon, mais c'est chacun trouve sa place au fur et à mesure dans le Scooby Gang. Et Alex derrière avec sa chemise champignon qui a été recalé parce que qui ne fait rien du coup. Ouais, parce qu'elle lui a dit t'es trop faible. Du coup, ouais. Il s'est mis tout de suite. Il est caractérisé en tant que qui a toujours de l'envie, qui a toujours envie de faire plein de choses. Mais il est pas assez fort et c'est. Il n'y a pas de capacité pour les. Voilà, la mise en scène nous. Mais pour. C'est son rôle, c'est qu'il sera là toujours là pour aider les autres. Pour finir avec Willow donc qui aide Giles sur les internets, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce qu'on disait les internets déjà à l'époque. Quelque chose qui vont réutiliser très souvent dans la série, et Joss Whedon l'explique dans les commentaires audio, c'est que dans Buffy, ils vont toujours trouver la solution au problème par un livre ou une solution dans un ordinateur ou un plan ou un objet mystique. Ils vont pas trop s'embêter avec la crédibilité des intrigues, des enquêtes surtout, crédibilité scientifique. Eux, ce qui les intéresse, c'est les émotions. On s'en balance. Il explique qu'à l'époque, par exemple, une série comme X-Files allait s'intéresser très précisément à, par exemple, un vampire. Pourquoi un vampire? Pourquoi il est vampire? Scientifiquement. Il dit dans Buffy, on s'en cogne de savoir pourquoi les vampires sont vampires. Ce qui nous intéresse, c'est les émotions, c'est les répercussions. Ça fait quoi d'être vampire? Ça fait quoi d'être amoureuse d'un vampire? C'est ça qui l'intéresse, c'est les émotions plutôt que les vérités scientifiques. Priorité au direct, Buffy est enfermé dans sa condition de lycéenne par le proviseur lui-même. Hein, avec un plan génial. Avec un plan génial. Les barreaux. Qui ne laisse aucune place à l'interprétation, quoi. Là, c'est évident, les prisonnières, vous restez assises là et sur vos deux pieds, elle dit et hop! Et on a le saut, après. Saut sur, voilà, la super Wonder Woman, super girl. C'est Buffy, quoi, elle a ses capacités. Buffy, saute par-dessus la grille du lycée. Pratique. Pour ceux qui ont fait. Alors là, on a une scène. Elle sèche les cours pour aller enquêter. Ouais, et là, on a une scène entre Xander et Willow qui font une espèce de brainstorming sur les activités démoniaques sur lesquelles il faut possiblement enquêter. Et c'est une scène qui a été rajoutée. Parce que l'épisode était trop court en fait. Ils se sont rendu compte que l'épisode était trop court une fois le montage effectué. Et vu que voilà, comme on l'a dit, ils tournaient tout en même temps cette première saison, et ben ils ont profité des tournages ultérieurs pour faire des petites séquences en plus qu'ils ont intégrées à ce premier épisode. C'est pour ça que notamment Xander, on peut le voir là. Alors c'est vraiment discret. Il n'a pas la même coupe de cheveux. Voilà, il a les cheveux un tout petit peu plus courts que dans les autres scènes. C'est parce qu'il a tourné cette scène plusieurs mois après. Et on y voit donc. Il est en petite forme, Alexander, là. Il fait pas de vannes et tout. Il essaye de se rendre utile. Ouais, mais c'est cohérent. Ouais, son pote a disparu. Et puis son pote a disparu, enfin. Non, c'est vrai. C'est pas de place là et pour surtout ce que j'ai moi comme ça. Ce que j'ai dans cette série, les personnages prennent conscience que le savoir est très très important. Ils prennent conscience que de savoir qu'il y a des vampires qui existent, qui mangent des gens quand il fait sombre et tout, ça les rend, ils se rendent compte que ça les rend différents du reste du monde, ça leur donne un pouvoir. Ils sont passés de l'autre côté, ouais. Ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Pendant du ce miroir, temps, Buffy retour à la crypte. Là, j'avais envie de faire un point musique. Oui. Ah, allons-y, parce que c'est pas ouf. Ouais. Parce que, je suis pas d'accord avec pour moi, c'est le gros défaut de cette saison 1. C'est la musique, quoi. Le formidable Christophe Beck n'arrivera qu'en saison 2 avec ses thèmes inoubliables. Et là, pendant la saison 1, on doit se coltiner Walter Murphy et ses compositions au synthé, pas terrible. Bof. Et il nous fait une musique dont je suis pas fan du tout. Qu'est-ce que vous en pensez autour de cette table? Non, mais je dis que j'étais pas d'accord, mais dans l'absolu, c'est parce qu'en fait ça fait partie du charme. Je trouve que ça allait hyper rétro, hyper 90, très synthé, tu l'as dit. Moi ça me fait penser à l'époque, je jouais à Resident Evil ou Night Trap, et ça fait partie d'une ambiance flippante, typiquement années 90. Ouais, moi j'aime bien. C'est trop daté en fait. C'est trop daté peut-être, mais je trouve que ça fait partie du charme. J'ai revu MacGyver il y a pas longtemps, il y avait la même musique dans MacGyver. Enfin. Non mais en vrai c'est années 80 oui, MacGyver. D'accord. Mais... Alors faut savoir que Walter Murphy ça appuie beaucoup trop les séquences, ça oriente la série dans un côté un peu nanar. C'est un peu lourd. Je suis d'accord. Ça changera complètement en saison 2. Le gros fait de gloire de Walter Murphy, c'était dans les années 70, il avait fait une version disco de la 5e de Beethoven. Que vous avez déjà forcément entendu, qu'on entend par exemple dans La Fièvre du Samedi Soir, c'est le morceau de l'entrée dans la boîte de nuit de John Travolta. Voilà, ça. Bah, meilleure scène du film. Des Bee Gees. Ben non, justement, c'est de Walter Murphy. Donc voilà, un mec qui est très très très très très loin de l'univers de Buffy. Et vivement la saison. Vivement qu'il parte. Hein. D'ailleurs, mais Joss est d'accord avec nous. Enfin, pas pour rien qu'il est plus là après en saison 2. Quoi. Mais priorité au direct, Angel est là. Et Angel qui joue n'importe mal. Il joue très très mal. Priorité là, au direct. Il est pas au top. Cours d'acteur. Alors attention, joue-nous la tristesse. Maintenant, sois inquiet. Ah, c'est pareil. En fait, je vais un petit peu te défendre de David Boreanaz parce que là, il a un rôle compliqué. On sait pas vraiment ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il est censé être méchant ou gentil, orienté Buffy ou pas Du coup, il a le cul entre deux chaises, le propre comédien là. Sauf que là, alors, peut-être qu'il était mal dirigé, c'est possible, peut-être qu'il fait de la merde, on sait pas. Mais il est clair que là, il nous fait pas du tout le Angel qu'on verra par la suite. Il nous fait un mec décontracté qui fait des vannes pour asticoter un peu la tueuse. Alors que plus tard, ça n'aura rien à voir. Ça sera un mec taciturne, mystérieux, qui dit pas deux mots. Enfin voilà. Le personnage n'était pas encore en place. C'est à partir de l'épisode d'Angel qui s'appelle Angel où on va vraiment avoir l'ampleur du personnage. Alors, ce qu'il est vraiment. C'est pour jouer son background, on connaît pas son background et justement il le joue pas. Alors après il aurait pu le jouer sans qu'on le connaisse, ça aurait été une possibilité. Bah là il le joue pas et on le connaît pas, donc c'est pour ça. Il a choisi de pas jouer. Mais entre temps il s'est passé plein de choses, donc on est arrivé à la fin de l'acte 1, là on est au début de l'acte 2 et on a. Il y a des rats qui sont dans les pieds de Buffy. Voilà, on a aussi cette musique toujours aussi nulle et une scène clairement de film d'horreur, quoi. Comme on l'a déjà évoqué, la série alterne les scènes de teen movie, romance, comédie, tout ça. Et les scènes d'horreur pure, quoi. Là, on a peur pour Buffy. Elle déambule dans des couloirs très. C'est un peu la même scène que dans Le Bronze, hein, avec la. Exactement. Parce que l'épisode d'avant, sauf que cette fois, c'est Xander et pas Cordelia, mais. Avec la même lumière. Construit de la même façon, ouais. Joss Whedon le dit, il félicite Michael Gershman à ce moment-là. Il dit, il a fait des noirs très noirs et tout. C'est quelque chose qu'on voyait pas trop en télé. Je rappelle qu'en télé, ça évolue en ce moment, mais à une époque il fallait que l'image soit très très brillante parce que sinon on avait peur que le spectateur se barre ou pense que sa télé était cassée. Enfin, il y avait plein d'obsessions comme ça des diffuseurs qui étaient compliquées à changer et là de faire ce genre de plan génial, de quoi. En scène, complètement où ils sont éclairés uniquement par le contre, les comédiens, c'est assez génial. Il y a plein de petits effets comme ça, ouais. Ouais, ça instaure vraiment la cote. C'est des images récurrentes. On va souvent voir les héros dans des couloirs à la recherche de monstres. toujours dans cette ambiance. Ça, c'est un truc totalement. Et on perd pas les personnages de vue là. Xandra, il fait j'ai une lumière, putain, éteins ça. Tu vois, il débute dans la chasse quoi. Elle lui apprend et puis c'est là qu'elle lui donne les codes du vampirisme dans Buffy. En mode professionnel. Très important. Il est stagiaire pour le voilà, c'est. Bah, parce qu'il y a tellement de vampires et d'histoires de vampires et de façons de tuer des vampires que là, il faut que Joss Whedon donne aux spectateurs et à Xander. Bah, comment ça se passe concrètement dans cet univers en chasse, que, comme on les vampires ont peur des croix. Est-ce que nos vampires volent? Est-ce qu'ils ont peur de l'ail, des croix? Est-ce que comment on peut les tuer? Parce que dans certains films, notamment dans des Dracula un peu obscurs, parfois on peut tuer des vampires avec de l'argent. ils ont pris le code du loup-garou et tout. Enfin, voilà, là, il faut expliquer nos vampires à nous dans Buffy à quoi ils vont ressembler. Et bah, c'est à ça que sert. Xander, c'est nous. Xander, c'est le public. Il a que ses références, le public. Voilà. Et donc là, on enchaîne avec la bibliothèque. Il y a eu un panneau assez sympa. Moi, il y a plein d'effets. Pour passer de couleur obscure, lugubre même, à la bibliothèque. Et là, t'as vu, quand il met ses lunettes, la lumière était dans le reflet de ses lunettes. Parce que là, il avait trouvé la solution. C'est subtil, il y a des petits trucs comme ça, c'est sympa. Et là, donc Giles venait de trouver la solution dans ce que dans son bouquin. Les auteurs, dans un livre, voilà. Mais ce que les auteurs appellent entre eux, quand ils écrivent des épisodes de Buffy, ils appellent le Book of Thoth. Le Book of Thoth, le livre de Thoth. Okay. Thoth, c'est le dieu égyptien du savoir. Ah oui. Et donc, il aurait écrit des livres, ça, des livres mystérieux qu'on retrouve en Égypte, où il y aurait tout le savoir dedans. C'est un oiseau, je crois. Ça les aide. C'était un raccourci scénaristique pour les aider à faire avancer l'action, parce que pareil, on vous a expliqué ce qui est intéressant. Les scénaristes de Buffy, c'est l'émotion, donc l'action, fallait qu'elle aille vite. Prétexte, donc fallait qu'on trouve très rapidement la solution. C'est pour ça que Giles trouve immédiatement dans un livre prétexte la solution sur la moisson. Mais priorité au direct, on est entre Cordelia. Cordelia qui fait des codes, du code avec Harmony. En cours d'informatique avec Harmony. Voilà, et qui du coup galère. Il y a un mec aux cheveux longs qui débarque. Vous avez vu ça? Mais c'est les nuls. Ben voilà, c'est très drôle, génial cette scène. Elles sont très drôles de bitcher, c'est assez génial. Et il y a Willow qui va faire le début de son empowerment, hein, selon Joss Whedon. C'est la première fois qu'elle va se dresser face à Cordelia pour dire non tu dis de la merde, Buffy elle est cool. Alors après elle va vite se faire rembarrer, mais elle aura ça va motiver sa petite vengeance, petite vengeance du bah, délai qui annonce la revanche des geeks, hein. C'est clairement dit par Joss Whedon, c'est annoncé, voilà, les geeks prendront le pouvoir un de ces jours, et c'est arrivé effectivement. Et il y a aussi une vanne, le I don't talk to you because you're boring. Je parle pas avec toi parce que t'es connasse, c'est très chiante. Du coup, quelque chose que Cordelia dit à Willow. Et là encore, c'est une expérience personnelle de Joss Whedon. Oh là là, le pauvre. C'est quelqu'un qui lui aurait dit ça. Le lycée, c'est dur. Le lycée, c'est super dur. Qui lui aurait dit ça au lycée. C'est cruel, c'est clair. Merci, Joss. De retour dans le couloir lugubre. Lui aussi. Et on va arriver. On va revoir Jessie, ça y est. Ah oui, voilà, on va arriver Jessie, ouais, tout à fait. Jessica, ça va en fait. Hop, et oui, ça va. Et oui, mais là, du coup, c'est louche. Ah oui, et voilà, il cache quelque chose. Il était juste allongé, je faisais une sieste, alors, excusez-moi. Sauf que non, c'est bien joué parce qu'à ce moment-là, on pense pas qu'il est. On sait pas qu'il non, est. Non, non, pas du tout, on n'y pense pas. On sait qu'il est appât. Ouais. Donc on se dit seulement il est là pour attirer. Ils sont tombés dans un piège, c'est un appât, mais le coup du vampire va être un énorme twist. C'est encore plus sourd que ça. Il se fait passer pour l'appât. C'est brillant. L'appât qui est en fait le prédateur. Le prédateur, inversion encore. Ça, des codes. C'est excellent de faire de Jesse de le transformer en vampire, de le tuer vraiment. C'est-à-dire que les personnages sont dans un monde dangereux. Quand même. On peut mourir, on peut être avec les personnages principaux et mourir dès le premier épisode. Ça c'est fort quand même. Oui, il y a la fameuse anecdote de Joss Whedon qui voulait dans le générique de début mettre dans les crédits du premier du générique Jesse. De début, qui voulait mettre Jesse Eric Balfour as Jesse tout ça pour le tuer, que sa mort soit encore plus surprenante, voilà. Quoi, parce qu'effectivement là il apparaît un peu comme un comment ça s'appelle, les red shirts là, ou les red shirts, dans Star Trek là, les personnages on sait d'entrée qu'ils vont mourir parce qu'on les a jamais vus de la série, et il apparaît assez rapidement comme ça, mais effectivement le fait de le mettre dans le générique aurait été un moyen de contrer ce twist. Voilà. Là c'est très fort et Alex va mal le vivre, enfin c'est un vrai premier traumatisme pour eux. Il doit tuer son pote et en même temps il voit bien que c'est un vampire, il est concerné par la quête de Buffy, il est déjà impliqué en fait malgré lui. Et là, tout d'un coup, oui, il doit tuer son pote, qui est un abruti, ils sont pas vraiment amis, tu vois. Bah ils sont si, un peu c'est en mode... son pote d'amour. Non, ça serait moins, ça serait plus violent. Moi, je trouve qu'il se débarrasse un peu T'es méchant avec Jesse, hein. Un peu, ouais. T'as pas trop aimé Eric Balfour. C'est parce que j'aime Xander. Il l'a pas rencontré, je pense. Sûrement, ouais. J'aime Xander. Et je pense que voilà, c'est une étape. il doit se débarrasser du lui, c'est-à-dire de l'autre mec un peu cool qui essaie d'être cool. Et là, les vampires sont un peu des zombies, les priorités au direct. Mais t'as vu, ils sont filmés, il y a des yeux qui brillent dans le noir, machin, ils avancent très lentement, c'est des monstres, c'est pas des vampires agiles et tout. Et ça, ça peut déconcerter, en même temps, je trouvais ça cool. Et alors, pour continuer sur cette histoire de Jesse Xander, moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais pas quoi non, parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, c'est tous les deux, ils se ressemblent énormément. Mais moi, surtout, je pense que c'est deux losers qui choisissent une voie différente pour sortir pour exister, de leur vie nulle. T'as Jesse qui décide de se faire pousser une âme démoniaque et du charisme. Ah oui, il le dit, je suis vrai, là maintenant je sens les trucs, voilà, je suis fort. Maintenant je vais pouvoir avoir un pouvoir sexuel sur les femmes, enfin, c'est très clairement ce qui est dit. Hein. C'est sous-entendu, mais. Ces mecs-là, c'est des puceaux qui veulent trop sortir avec les meufs. Ils veulent baiser, après ça se capte très vite dans la vie. Et parce qu'ils sont obsédés par ça, et alors que c'est pas assez important. Et Jesse reste obsédé par ça, et donc du coup, il se dit ah, c'est génial, je suis vampire, je vais pouvoir draguer Cordelia. Xander, va se dire ah ben peut-être que moi je vais essayer de trouver, peut-être je vais combattre les forces du mal, peut-être ça peut aider aussi à me trouver en tant que personne. Ça peut aider. Il en a pas conscience de tout ce que tu dis là, mais inconsciemment parce qu'il fait le choix d'aider Buffy. Alors ok, Buffy elle est jolie, il en pince pour elle, mais il sait qu'il fait des bonnes choses. Il le sait au fond de lui. Il fait des bonnes priorité au direct. La scène est plutôt sympa. Ils émergent des enfers dans une usine, donc une centrale électrique. Alors que la main du vampire est brûlé par le soleil, évidemment. Hop, pris auto-direct, nous revoilà chez le maître. Le maître est fâché. Le maître est. Ça aussi, c'est une scène rajoutée, je crois, qui a été tournée après. Ils n'hésitent pas à filmer les maquillages en très très très gros plan. Et là, je voudrais quand même qu'on souligne le travail du maquillage. C'est réussi, c'est super réussi. C'est filmé de très très près, donc si c'est raté, ça se voit. En ce moment, je regarde la série Babylon 5, sur laquelle John Woolish a aussi œuvré avant Buffy, et il fait des masques d'aliens incroyables également. La série est assez dégueulasse pour plein d'autres choses, mais pas pour les maquillages. Les masques, et on retrouve aussi Bruce Seth Green, un réalisateur récurrent de Buffy, qui réalise pas mal d'épisodes de Babylon 5. Enfin, c'est un détail, mais minutes, oui, Babylon 5. C'est le mec est vraiment talentueux et fait des choses qu'on peut filmer en gros plan, comme tu dis, Clément. On l'a pas dit, mais juste avant, il y avait eu un plan, un travelling dans les conduits d'aération. Et ben ça a été fait au skateboard, les gars. Bah oui. Et donc voilà. Bravo. Tu fous ta caméra, bravo, sur skateboard. Et des idées de mise en scène. Bravo au chef op. Il y a le même plan dans le film avec le chien qui fait du basket là. Ah. Il y a le même plan. Non, mais là c'est surtout Michael Gershman, le chef op de Buffy. C'est lui qui a l'idée. À qui on doit faire un énorme bisou, parce que Michael Gershman, je rappelle, c'est 82 épisodes éclairés de Buffy et 10 épisodes réalisés. Michael Gershman qui nous a quittés il y a quelques mois. Ah merde. Donc grosse pensée à sa famille et à son taf qui était incroyable. Mais il est immortel maintenant, regarde. Eh ben oui, non. Grâce à ce beau skateboard. Grâce à son skateboard, on parle encore de lui aujourd'hui. Là, on est en bibliothèque. Jace Willow et son conducteur, t'as mis point d'interrogation parce que en fait, tu ne savais plus que dire. Tu savais pas quoi dire. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que le maître tue ses sbires. Parce que je sais plus si c'est Evan Kershner ou George Lucas qui a dit voilà, pour montrer que ton méchant est méchant, il faut qu'il tue des méchants autour de lui. Vois, donc, il est très méchant. Voilà, les méchants dans James Bond, ils font ça. Bane, il fait ça. Tout de suite, ça impose quoi. Luke devient le vaisseau du maître. Tout à fait, dans une scène assez métaphoriquement, assez sexualisée. Sartman, tu vas rebondir dessus. Le Sartman, il peut pas louper une occasion pareille. Là, on est dans la. Parce que là, c'est flagrant quoi. C'est là, c'est pas sous-entendu. On a la fellation, le plan est magique. Non, il lui suce le bras. Je vois pas. Et alors, sachez que c'est même pas moi qui le dis, c'est Davin Greenwald, donc le collaborateur de Joss sur Buffy, qui aurait dit pendant le tournage de cette scène à Joss Whedon. Là, on est allé très très loin. Tu vas te faire les chrétiens vont vouloir te brûler vif, parce qu'en plus pendant ce temps-là, c'est visuellement ils sont en train de le gars est en train de lui sucer la bite, mais sauf que tout le reste de la mise en scène et du texte, c'est un baptême quoi. Ouais. Donc on est dans l'outrage à la religion, mais parfait quoi. C'est non mais c'est proprement scandaleux, et donc il s'est dit que là il se mettait beaucoup de chrétiens à dos il s'est dit tant pis. On le fait quand même. Bizarrement ça l'a pas arrêté. Je crois que Joss Whedon n'est pas très très religieux. Là, il l'affirme haut et fort. C'est un artiste engagé. Là, ça devient, ça devient là, c'est dit clairement dans ces scènes. Donc, après ce baptême, donc effectivement, Luke est devenu le vaisseau, on pourrait dire le vassal, hein, parce qu'il y a aussi une lecture très de féodalité, de chevalier, tout ça, qu'on pourrait donner à ces scènes. Enfin, voilà, ces vampires sont vraiment le vieux, le méga vieux, voilà, ils vont chercher leur hiérarchie dans le Moyen-Âge, quoi, l'adoubement et ces trucs-là, quoi. Et la religion, enfin, ils sont vraiment très très loin dans le temps. Une nouvelle chose que Buffy va devoir combattre, les vieilleries. D'ailleurs, il habite dans une église en ruine. Enfin, voilà, tout ce qui est vieux, voilà, c'est le maître, c'est les vampires, c'est ces mecs-là. Et Buffy va devoir combattre ça. Et pendant ce temps, à la bibliothèque, eh ben, ça déprime grave. La loose, voilà. Parce que Jesse est mort, quoi, ça craint. Ah merde. C'est un monde dangereux quand même. Donc on risque notre vie, c'est ça qu'en fait vous êtes en train de me dire. Sander, il semble réaliser que ah ouais, c'est dangereux en fait. Ce deuxième épisode, il montre une autre facette de l'univers. C'est bien. Bah c'est oui, bien un peu plus sombre, un peu plus. Il est moins prenant, je trouve, l'épisode, mais il apporte aussi il approfondit des trucs. Ouais, enfin, il est quand même plus faible. Et la preuve, le rythme est plus faible. Le fait qu'il y a eu beaucoup de scènes rajoutées, hein. Ouais, ils ont pas tourné assez en fait pour ce truc. Il y avait pas assez de matière pour tenir 42 minutes, et ils ont dû combler les trous avec, comme tu l'as dit, la scène où il met le doigt dans l'œil de où le maître tue un de ses vampires, la scène entre Xander et Willow, voilà, il y a plein de choses qui font qu'effectivement cet épisode est un peu faible. Xander déprime, son pote est mort, bien que il a aidé la tueuse, il a avec sa lampe torche, hein, vous vous rappelez ou pas? C'est vrai, il a trouvé la trappe pour sortir. Ah, finalement, oui. Cette lampe torche que Buffy voulait pas qu'il amène, elle a servi à quelque chose. Il se complète. Xander sert à des choses. Ne jamais oublier Xander. Et là, c'est lui, encore une fois, c'est lui qui dit ah ouais, les vampires veulent de la chair fraîche et tout, ils vont aller au bronze, forcément. Et je connais Jesse va leur dire faut aller au bronze. Enfin voilà. Xander, toujours, lui montrer de l'utilité, même s'il n'a aucun pouvoir. Faire que Xander serve à quelque chose, c'est assez important. Star Wars en direct, c'est très cool. Il y a David Dupont qui est sur Star Wars en direct. Je me permets de faire un petit parodie. Continue. Pourquoi pas, je n'ai pas compris, mais oui. C'est un petit coucou. Petit coucou. D'accord. Alors pendant ce temps-là, Buffy est avec sa mère, et là, ça ne va pas du tout, parce que sa mère la gronde. J'ai reçu un appel de votre nouveau principal. Il dit que vous avez manqué des classes aujourd'hui. J'ai fait un errand. Nous n'avons pas fini de unpacker, et j'ai reçu des appels du principal. Mom, je promets, ce ne sera pas comme avant. Mais je dois aller. No. Mom! The tapes all say I should get used to saying it. No. Eh bien oui, Buffy a séché les cours, rappelez-vous, les actes ont des conséquences, hein, dans le monde de Buffy. Elle a séché les cours, elle a menti à Flutty. Bah Flutty, il a fait quoi? Il a cafeté à la mère de Buffy. Et Buffy dit un truc génial. Everything is life or death when you're 60. C'est vrai, en plus. Bon, oui. Non, mais c'est vrai. Elle est très forte, cette. Tout est une question de vie ou de mort quand tu as 16 ans. Une jeune fille de 16 ans. Et là, c'est vrai, en plus. Et voilà, une nouvelle fois, il y a toute la série dans cette scène et dans cette réplique. La mère de Buffy lui dit oui, bah oui, je comprends que ce serait très grave pour toi, ça va être la fin du monde. Sauf que voilà, c'est vraiment la fin du monde, ça empêche Buffy de mener sa mission. On a tout le concept de la série, donc qui mélange, je le rappelle, je l'ai dit mille fois, teen movie et fantastique. Voilà, on l'a dans ce plan d'ailleurs, on l'a dans ce plan, sur le coffre où Buffy cherche dans son coffre, et il y a sur le dessus tous ces trucs d'adolescente, et en levant le tiroir en dessous, il y a toutes ces armes de tueuse qui sont. Sa double vie finalement. Très plan, très symbolique. C'est parti, elle a chargé son pieu. Et surtout, Buffy qui avait du mal à faire un choix en début d'épisode. Ouais, là, elle est à fond, ouais. Là, c'est la moisson. On comprend pourquoi elle avait du mal à faire un choix, parce que quand elle est arrivée à Sunnydale, elle voulait pas entendre parler de vampires. Le proviseur était cool avec elle. Elle devenait pote avec la nana la plus populaire du lycée, Cordelia. Ça se commençait super bien. Et à partir du moment où elle entre dans le monde occulte, où elle commence à enquêter sur les vampires, eh ben tout bascule, le proviseur la déteste, cafte à sa mère la gronde, elle est la nana populaire du lycée, va la pourrir, et elle va devenir totalement impopulaire. Enfin voilà, vraiment sa mission de tueuse fait basculer Buffy dans le culte et dans le, comment dire, la version, les losers un petit peu, elles deviennent les freaks. C'est exactement. Et voilà, donc là, la dernière partie de cet épisode s'ouvre sur ce plan sur le billard rouge, on l'a dit, hein, tout à l'heure, la couleur rouge annonce que ça a mal se passer. La violence, bah oui, parce que c'est quand même le lieu du culte promis par le maître dans le bronze, quoi. Cette phrase n'était pas très claire, excusez-moi, mais ils préparent un sale coup, les vampires. Hein. Et c'est au bronze, et c'est ce soir, bah, et c'est sûr, maintenant. C'est le lieu idéal. Voilà, Cordélia avec ses Cordélia amis. Cordélia est à fond. Et alors, c'est évidemment une scène qui était rajoutée. Et là, ça attention, aussi, ouais. Attention. Ça devait commencer au moment des escaliers, là. Et ben voilà, top. Là, ben, en fait, c'est pas attention, c'est là maintenant. Là, c'est le moment où ça, on raccorde avec ce qui avait été déjà tourné avant. Ouais. Avant. Quand elle vient danser, ouais. Et voilà, et tout ce qu'on a vu avant quand elle parle des vieux. Des jeunes hommes plus âgés. Elle préfère les vieux. Elle préfère les vieux. Comme toutes les meufs à son âge. C'est encore une. Une scène d'un non-genre. C'était très énervant quand on était au lycée. C'était enfin, très mal vécu. Mais ah là là, c'était injuste. Mais c'est injuste. Mais c'est surtout dangereux parce qu'on vient de dire depuis une heure que, là, que les vieux, c'est dangereux dans Buffy. Oui, bah dans Buffy. Et, oui, mais là, et Cordélia, bon, elle se rend pas compte. C'était chiant. Elle se rend pas compte. C'est normal, mais c'est chiant. Les vieux. Et là, on écoute un morceau génial. Sa chanson, ouais, c'est la chanson préférée de Cordélia. En plus, c'est le diable. I will survive. Non, non, c'est Wearing Me Down des Dashboard Prophets. Ben, c'est ce qu'on a écouté en générique, je crois. Un morceau déjà très très sympa et pas choisi au hasard parce que les paroles nous parlent beaucoup. Elles sont complètement dans le thème de l'épisode. C'est quelqu'un qui est saoulé parce qu'on lui dit et se demande s'il doit vraiment croire tout ce qu'il a dit, le discours entendu, tout ça. Il se pose des questions. Ça peut nous faire penser à Jesse, ça peut nous faire penser à Buffy, à Alex. Enfin voilà. On se pose des questions sur ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on doit le croire ou pas le croire? Ça nous énerve. Ah, voilà. Zoom dans l'image. Dégueulasse. Et c'est là que les vampires. Alors que le plan était cool. Les plans étaient cool. Ils sortaient de la pénombre avec la musique en mode on va tout foutre en l'air ce soir. C'était hyper cool comme plan, vraiment. Et il y avait, ouais, bah, pour faire une deuxième valeur de plan, ils ont sûrement zoomé dans l'image. C'est pas très, très, très malin. Ah, et non, c'est non, sur non, un autre morceau des Dashboard Prophets qui est la Ballade for Dead Friends. Encore une fois, un titre pas choisi au hasard. La Ballade des Amis Morts. Ça tombe bien, c'est l'arrivée des vampires dans le bronze. Et, qui arrête la lumière. Oh là là, il y a une vraie mise en scène là des vampires, là, Luke qui arrive sur scène cool, avec ouais, la lumière. C'est vrai que le régisseur a prévu que le vampire arrivait, du coup il a mis une lumière juste derrière lui, t'as vu qui s'allume. Ah bah une starification un petit peu. Il y a un vampire régisseur qui est arrivé, qui a pris la place. Voilà, il a pris la place du régisseur et il a fait attention toi, c'est Luke qui parle. Là il y a un côté très théâtral comme il y avait dans le pilote non diffusé finalement pour finir le climax. Parce que là ils sont sur scène. Et Jesse vampire. C'est pour ça qu'il avait un peu plus de charme. Il avait d'assurance. Que, ouais, il utilisait un peu son charisme de vampire pour draguer ouais, Cordélia. Hein, quand même. Bah, on va pas refaire le. Voilà, on sait bien que le vampire. On sait que le vampire est séduisant. Alors, bah, dans cet univers, ouais. Mais il est tout le temps. On met de côté ouais, les incohérences de scénarios scandaleuses, encore une fois, dans cette fin d'épisode. Et sur la billetterie, par exemple. Bah, la billetterie, Cordélia nous a dit il y a 5 minutes que le vendredi soir, c'est gratuit. C'était gratuit. Et là, on a un videur qui compte les billets et qui demande la carte. Ah, c'est ah bah, la carte même si c'est gratuit. Il demande, attends. Oui, non, mais sauf que. Le regarde. Ah, du coup, il est mort. Ah, t'as rien à foutre dans le scénario. Sa boîte est pleine de gamins de 15-16 ans et il demande la carte d'identité. Ah, bon, ça n'a aucun sens. Ouais, mais regarde, il est mort, du coup. Il a payé pour son erreur, regarde. Toute cette entrée des vampires dans le bronze n'a aucun sens. Et elle est plus théâtrale qu'autre chose. Comme ça tu passe. Dis, Clément, le videur est châtié pour ses crimes, voilà. Pour ses incohérences scénaristiques. La Buffy n'arrive pas à défoncer la porte, c'est intéressant. Alors qu'elle est la tueuse. D'habitude, elle y arrive. Mais là, il faut bien un petit peu de dialogue pour savoir. Hey, toi tu fais ça, moi je fais ça. Ouais, allez. Mais c'est intéressant. Elle a peut-être pas encore tous ses pouvoirs de tueuse oui, développés. Parce que par contre, en saison 6, par exemple, pour Once More with Feeling, on s'en rappelle ouais, très bien. Dans la elle défonce la porte. Elle arrive dans le bronze en défonçant la porte. C'est aussi ça, Buffy. On est dans le premier épisode, enfin dans le deuxième, mais voilà. Buffy va apprendre, va progresser. Bien va, sûr. Comme on... Là, elle va s'entraîner. Elle aura des scènes d'entraînement avec Giles. Ouais, ouais, comme je l'ai pas évoqué tout à l'heure, Buffy et Xander ont passé leur temps à fuir des vampires. Enfin, les vampires étaient trois, quoi. Ouais. Je sais pas, en saison 5 ou 6 ou 7, Buffy face à trois vampires, Buffy rigole, et Xander ouais, face à trois vampires, ça leur fait mais pas du tout peur, quoi. Ouais. Et mais là, ils étaient pas encore assez préparés, pas assez armés, pas assez entraînés pour faire face à tout ça. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les héros vont grandir avec nous, vont apprendre des choses. Il y avait aussi la phrase très drôle de Buffy quand ils arrivent trop tard et que le bronze est déjà envahi de vampires. Buffy qui dit à Giles I don't know, I get grounded. Je savais pas que j'allais être grondé, que j'allais être puni. Quoi. Puni ouais. C'est assez génial, c'est aussi ça tout le charme de la série. Il y a un super héros qui est puni par sa maman qui arrive trop tard pour la fin du monde. Moi, je trouve ça assez génial. C'est assez Buffy, c'est assez dans le ton de Buffy hein, finalement. Et donc là, avec cette scène où donc le vampire va refaire le même saut que dans le pilote. A pris et puis a pris en otage surtout des jeunes gens pendant une soirée. On retrouve aussi ce mix entre suite et remake du film, parce que je vous rappelle, le film se termine, le film de 92, Chrissy Swanson, celui dont on ne prononce pas le nom, Luke Perry, Donald Sutherland, faudra commenter un jour, chef-d'œuvre, se termine sur un bal de promo envahi de vampires et pareil des jeunes qui servent de repas. Et voilà. Ah, des vampires. Mais voilà. Sauf que Buffy arrive. Non, elle a jeté un cadavre. C'est pas elle qui est arrivée, justement. Elle a jeté un vampire et pour annoncer son arrivée très théâtrale. Et on voit que effectivement il y a un budget de merde parce qu'il a rien, mais il se sert. Non mais regarde, il se sert des lumières de la scène de concert pour éclairer Buffy en bleu, le vampire en rouge. Il se sert des contraintes ridicules, enfin des moyens techniques qu'il avait pas élevés quoi. Sur le chat, ça fait là, un parallèle. Elle fait même une vanne. Bon, sur le chat, ça fait même un parallèle avec Spider-Man. Exactement, c'est clair. Spider-Man, il arrive, il fait des vannes avant de se battre. C'est sûrement une grosse inspiration pour Spider-Man, également super-héros adolescent, quoi. Donc, mais totalement. Donc forcément, l'insouciance de l'adolescence aide beaucoup ce genre de super-héros. Dans les parallèles avec le film, on a aussi. Le fait que Xander sera obligé de tuer son ami devenu vampire, donc Jesse, et dans le film on a ça également avec le personnage de Luke Perry, alors Marcel en VF, Pike qui doit tuer Benny, son pote David Arquette qui est devenu vampire. Voilà, on a plein de petites moi c'est la même histoire en fait, sur ces trois déclinaisons de la même histoire qu'il a. Bah, avant c'était des brouillons, c'était en fait. Un peu des brouillons hein. Clément, et là c'est l'épisode, voilà, c'est à ça que ça ressemble, c'est la copie finale. Et voilà, et on est quand même sur, on reprend cette idée de la scène de spectacle, c'est exactement la même chose, toute la baston se passe comme dans le pilote non diffusé, plan Sam Raimi, cymbale. Là, le vampire qui se fait décapiter par une cymbale, sachez que c'est un plan que les spectateurs anglais n'ont pas vu, que ça a été refusé par la BBC. It's shocking. Pas de chance. It's very shocking. Voilà, c'est shocking. Confrontation entre Xander et Jesse, voilà, ça y est. Il accepte sa condition de aide de tueuse, hein, parce qu'il ne sera jamais plus que son aide. Mais du coup, il doit tuer Jesse pour franchir cette étape. C'est alors, obligé. Il le tuera même sans faire exprès, en fait. Ouais, mais il le tue quand même. Du coup. Là, Jesse sera en danger aussi. Ah, ben là, c'est la baston à tous les étages. On a Buffy contre Luke, Xander contre Jesse, Jace qui va bientôt être aidé par Willow qui doit faire face à Darla. c'est le bordel total. Ça n'arrête à la pas. Fin. C'est la baston partout. C'est la moisson, quoi. C'est génial. C'est la moisson. Voilà. Buffy, on croit qu'elle est. Coup de boule de Buffy. Qu'elle a été hypnotisée, va te faire un coup de boule arrière. Et une fois de plus, voilà, ce mec arrive par derrière. Bim tac. Il pense soumettre cette jeune femme, mais non. Et elle se fout de sa gueule. Et là, elle va faire voilà la manière dont elle va tuer, enfin elle va. Putain, mais cette scène est géniale. Faire diversion à Luc en lui faisant croire qu'il y a de la lumière, du soleil, en cassant la vitre derrière lui. Et ben ça, c'est un truc qui avait été écrit pour le film par Joss Whedon pour le film de 92 et qui ne s'est pas retrouvé dans le film. Et donc pareil, idée qu'il a récupérée. Ceci, ça, tous ces mélanges d'idées qu'on repêche. Les bonnes idées, elles restent. Et les mauvaises partent, comme le fait que les vampires volent, par exemple. Voilà, et ça, c'était un truc qui n'avait pas été tourné dans le film et que Joss a recyclé donc dans le deuxième épisode de sa série. Il se fait avoir comme une merde, le pauvre Luc, là. Bah, il est un peu nul. Ben non, mais là, justement, parce qu'on se dit, ah, putain, il joue, oh, j'ai mal, oh là là, je suis un vampire. Ah, ben non. J'ai trouvé ça très cool. Non, bah, c'est. Il est très bête. Oui, c'est bête. Évidemment que c'est bête, mais c'est drôle. Heureusement que les vampires sont un petit peu bêtes. Hein, bah, sinon, oui. Bah, lui, en tout cas. Il était très fort. Dans X-Files, il était plus fort dans X-Files. Il était très fort, Luc. Le vaisseau est décédé, le maître est coincé. Et là, du coup, j'en chie. Oh putain, non ! Luc est mort. Ça crée une menace pour le reste de la saison. Bah, du coup, on se dit, il est vénère. Voilà, oui, c'est bien. C'est bien. Plan iconique. Plan Whedon. Alors, pas encore. Bah oui, mais voilà. Plan Whedon. Traveling avant sur Buffy sur la scène. À la Spielberg. Et c'est surtout un plan spielbergien parce que Joss a demandé au réalisateur au moment du tournage, il a dit give me the Spielberg, donne-moi du Spielberg là faut qu'on ait un truc incroyable. Donc le hors-champ. Parce que donc, c'est le plan le plus important de son épisode, c'est le plan qui doit mettre en valeur la tueuse. Personnage qui regarde dans le hors-champ. Buffy qui a enfin accepté son statut de tueuse complètement, qui vient de buter le chef des vampires et qui maintenant fait peur aux autres vampires parce que les autres vampires se barrent en courant. Il fallait que ça soit exacerbé par une mise en scène. Il a pas dit ah je t'appellerai. Non, il a pas dit. Ah oui, c'est comme quoi cette blague n'est pas passée bizarrement. On a vu Angel un vite fait qui n'a rien fait. Hein. Il était là, il a comme dit. Comme d'hab. Il a dit ah mais elle a réussi, j'y croyais pas. Voilà. Moi j'ai rien branlé. Le plan Owen, on a vu le plan Owen. Le plan Owen, le fameux plan Owen récurrent pour le plan Owen. On en parlait souvent à une époque dans nos podcasts. Et là ça fait un petit moment qu'on en était pas tombé dessus. Le plan Owen, pour ceux qui se rappellent pas, c'est un plan de la fontaine du lycée de Sunnydale en extérieur avec plein de figurants autour et un mec souvent qui part au loin avec un sac à dos et une chemise bleue. Et donc c'est un plan qui a été tourné pour Never Kill a Boy on the First Date et qui a été régulièrement utilisé dans plein d'autres épisodes de Buffy. Et là, il a été réutilisé, sauf sans Owen. Ça a été pris, le plan a été pris avant ou après le passage d'Owen. Mais j'ai vérifié, c'est les mêmes figurants, la même caméra au même endroit. C'est le plan Owen, mais sans Owen. Et on a un plan génial, un plan séquence qui suit au départ Cordelia, une pote à elle. Hop, là, il est terminé. Et après, qui prend. Et qui va reprendre tous les thèmes de la série, juste dans le dialogue. C'est la soirée d'hier, les gens ont oublié. Voilà, parce que toute cette histoire de savoir, les gens refusent de savoir. Eux, ils savent maintenant. Eux, c'est les connaisseurs. Ils ont ce savoir. Ils savent que sortir la nuit, qu'il y a des vampires, que tout ça, c'est dangereux. Et on a cette fin extraordinaire où les adolescents relativisent un maximum les dangers qui les guettent. Et Giles qui dit The Earth is doomed, la Terre est condamnée. C'est une autre variation aussi de la scène de fin du pilote avec Buffy qui jetait. Qui, le chewing-gum est remplacé par une sucette, mais voilà, c'est la même chose que. Il y a le côté teenage. Ouais, que quand elle tuait le Nosferatu, qu'elle plantait son pieu, c'est même discours, une autre variation de tout ça. La sucette dans la bouche, thématique. Le chewing-gum du début. Il y aurait plein d'analyses à faire. Que tu ne feras pas. On va me prendre pour un obsédé sexuel. Ouais, mais voilà. C'est bizarre. Ouais. Joss Whedon qui met autant de choses dans la bouche d'une jeune femme, je pense pas que ce soit anodin, mais je ne ferai pas d'analyse là-dessus. N'empêche que l'épisode se termine donc sur Ah putain, la Terre est foutue. La Terre est foutue. Et avec le dernier épisode de la série, on reverra ça. Voilà, avec son flegme. Vous le savez bien si vous adorez cette série comme nous, dans le tout dernier épisode qui sera réalisé par Joss Whedon, il reprendra cette scène où les ados face à Jai se relativisent un maximum ce qu'ils ont fait, ce qui vient de se jouer, quoi. La fin du monde, et parle de shopping et de trucs d'adolescents très terre à terre, en fait. Hein, ouais. Et Giles fera cette fois The Earth is definitely doomed. Definitely doomed. Est-ce que c'est de l'hollandais? Non, c'est de l'anglais. C'est du finnois, mais adapté en anglais. Voilà, la boucle est bouclée. On a la fin du premier épisode, du deuxième, la fin de la série. Là, on est à fond, on a envie de voir la suite. Série tellement cohérente du début à la fin. Et encore une fois, on a l'essence de la série. Voilà, dans cette dernière scène entre ces ados et ce vieux gars qui est Giles, on a tout le concept de la série des jeunes face à des vieux. De le monde fantastique face à de l'humour, face à de la musique qui fait peur, une relation top. Enfin voilà, on a tout le thème de la série résumé en quelques plans. Entre la première scène du l'épisode 1 et cette fin d'épisode 2, on a toutes ces deux scènes très thématiquement très fortes, quoi. Il y a tout Buffy dans ces deux scènes. C'est un univers qui est posé, quoi. C'est même, ça va au-delà de ces deux thèmes, quoi. C'est un univers qui nous est présenté, quoi. Et on a hâte de voir ce qui se passe. Ça serait pas mal de faire un podcast sur cette série. Certaines, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ce serait temps de passer à la conclusion. On fait la conclusion, allez, c'est parti. Et promis, c'est la dernière conclusion de cet épisode. Ah. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Et voilà, conclusion de ce dernier épisode. On aura fait donc 3 épisodes, 3 conclusions. C'est cool, ce soir. C'est exceptionnel. Un podcast d'anthologie, un podcast de champion du monde. Complètement exceptionnel. Ouais, voilà, conclusion donc sur. Vive les bleus. Sur The Harvest. Alors moi, il y a plusieurs petites choses que j'avais pas eu le temps de dire. Qu'est-ce que j'avais pas eu le temps de dire? On se demande. Moi, je voulais parler de l'identification de Willow et Alex. On rentre dans l'épisode par eux, en fait. Soit on choisit de s'identifier à Alex, soit à Willow, et on suit, on découvre l'univers grâce à eux. Je trouve que ça fonctionne très très bien, quoi. C'est vrai. Et c'est très vrai sur toute la première saison. On va découvrir le fantastique surtout grâce à eux. En même temps que tout simplement. Quoi. On a envie de s'identifier à Willow ou à Xander quand on est ado et qu'on découvre cette série. Je trouve, mais effectivement, c'est exactement ça. Ouais. C'est des personnages très forts. Moi, je voulais parler aussi de Harmony. Il y a un truc que j'ai pas dit sur Harmony. Personnage très fort aussi. Hein. Personnage, non, mais surtout qu'on a découvert dans l'épisode pilote non diffusé. Harmony, donc il y a cette particularité donc d'avoir été dans cet épisode donc tourné en 96, hein, je le rappelle, donc il y a très très longtemps. Mars 96 d'après le carton. Et Harmony qui sera également dans le tout dernier épisode de Angel. Oui. Angel qui, pour rappel, finit la saison 5 d'Angel, se termine un an après la dernière saison de Buffy. C'est 2004. Et ben ça mon gars, ça fait de Harmony le personnage à la plus longue existence dans le Buffyverse. Ah ouais, c'est vrai. Dans le tout premier épisode de Buffy. C'est vrai, j'aurais pas misé sur elle. Et dans le tout dernier, exactement, dans le tout dernier épisode de Angel, c'est Harmony qu'on a vu le plus longtemps, qui aura existé le plus longtemps dans tout le Buffyverse. Et ça, je trouve ça beau. Et dernière chose sur Harmony, Mercedes McNabb, l'interprète d'Harmony, avait 16 ans pendant le tournage de cette première saison. Ah ouais. Donc c'était la seule vraie adolescente sur ce tournage, parce que pour rappel, c'était n'importe quoi les âges. Ils avaient tous plus de 20 ans. Carpenter était une des plus vieilles, je crois. Elle jouait une adolescente, mais elle avait 27 ans, je crois. Non, elle avait moins de 30 ans, mais elle était très très loin de l'adolescence. Et bien Mercedes McNabb, elle était une vraie ado de 16 ans. D'autres choses à dire, Clément, une conclusion sur The Harvest ? Non. Alors, en conclusion, vu que Clément n'a rien en conclusion, je voulais vous parler de la bande dessinée Buffy de Vampire Slayer, The Origin. Parce que donc, on a beaucoup parlé justement des débuts de Buffy, le film, on a beaucoup parlé de ce film de 92. Est-ce qu'il est intégré ou pas dans la chronologie de la série ? Et ben, on a dit que c'était un peu mi-figue, mi-raisin. Et ça a été tranché en 99 par donc la sortie de cette bande dessinée. Il y a un comics canonique qui sort, quoi. Et voilà, qui a été écrit par Dan Berreton et Chris Golden. Et c'est pas dur, ça a été basé sur le scénario de 1992. Ils ont pris le scénar de Joss Whedon. D'accord. Et ils ont fait une bande dessinée donc en 3 issues, hein, comme on dit, Riley, c'est ça qu'on dit oui. Oui, bah oui, 3 chapitres, quoi. 3 épisodes. 3 morceaux, je sais pas comment. Issues, non, mais c'est vrai. 3 issues, 3 épisodes. Et là, on a très clairement le background de Buffy comme aurait voulu qu'il soit par Joss Whedon. Parce qu'on le rappelle, hein, Joss Whedon n'a pas eu de contrôle, hein, sur la manière dont a été tourné son script du film en 92. Oui, sinon il n'aurait jamais pris Luke Perry déjà pour commencer. et donc du coup, on peut pas trop accepter le film donc de 92, donc de Fran Drebbel-Cuzzi avec Chrissy Swanson comme canonique de la série. Mais cette BD, elle peut être prise comme faisant partie de l'univers, puisqu'elle est validée par le chef Joss. Et par contre, en gros, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est validé, mais on retrouve les mêmes scènes que dans le film, en fait. Oui, les mêmes personnages et les mêmes scènes. Cette BD, c'est les mêmes persos, c'est les mêmes scènes, sauf que voilà, une différence majeure, c'est que les vampires sont pas débiles et tous les personnages font pas des trucs idiots. C'est le gros problème du film, qui a été traité comme une comédie débile, et c'est pour ça que le scénario de Joss Whedon avait perdu énormément de force, c'est parce que tout le monde était idiot dans ce film. Là, dans la BD, on reprend les mêmes scènes, les mêmes vampires qui volent et tout, mais voilà, en BD, avec des personnages très très menaçants, très très... ça fait très peur et ça marche beaucoup mieux. Et donc, en plus, l'avantage de cette BD, c'est qu'elle va utiliser les flashbacks qu'on a vus, par exemple, dans Becoming. Elle va utiliser le visage de Sarah Michelle Gellar pour faire les traits de Buffy dans la BD, et qu'elle va intégrer... l'incendie de la salle de gym, ce fameux incendie de salle de gym que tout le monde reproche à Buffy dans les premières saisons de la série. Tout le monde dit ah ouais, t'as incendié ton gymnase quand même dans ton ancien lycée, qui en fait on ne voit, qui n'existe pas dans le film, qui est quelque chose qui a été inventé pour la série. Et ben là on le retrouve dans cette BD, donc The Origin, si ça vous intéresse de découvrir les débuts officiel de Buffy comme Joss l'aurait voulu. Et ben il faut aller faire un tour là-dessus. Et s'il y a d'autres choses à dire en conclusion? Allez. Non, juste sur cet épisode en lui-même, qu'il est quand même moins bien que le 1. Ouais. Mais il est bien quand même. Voilà ma conclusion. Eh c'est oui. Vrai, c'est vrai. Mais non, mais il y a tous les codes. Et ça, on est sur un autre ton que sur le premier épisode. C'est un peu plus triste. On l'a dit, c'est la mort de Jesse aussi. Les personnages découvrent un peu leur nouvelle réalité. Et ça fonctionne très bien. Bonne série. Ouais. Moi, je suis producteur. J'ai envie de continuer là. J'ai envie de financer toute une saison. Hein? Moi, je mets des billes dessus aussi. Même si la musique est pas ouf, j'ai envie de faire une saison quand même. Et pourtant, on en parlera encore dans quelques années. En imposant un truc sur les hyènes à un moment donné, des choses comme ça. Et des hommes poissons. Moi, je veux des hommes poissons. Des hommes poissons plus tard, peut-être. On bon, verra. Et moi, je veux des McDo où les gens. Voilà, il y a un verre de terre dans la viande, tout ça. Là. On pourra faire ça en saison 6. On verra. Si, ouais. On valide cette série alors. On valide cette série. On regardera la suite. Je dis oui. On regarde complètement la suite. On valide. Alors, c'est sur ça qu'on va se quitter, les copains. Il était long ce podcast. On a fait un podcast extraordinaire, beaucoup trop long. Donc, c'est pour ça qu'on ne va évidemment pas faire de séquence. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Si t'aimes Buffy, c'est pas sûr, tu vas aimer ça, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Ni de séquence invitée parce que on a toujours pas d'invité. En fait, il y en a même depuis le début, mais il ose pas rentrer. Tu peux rentrer maintenant, c'est N'Golo, bon. N'Golo, allez, viens, N'Golo, quand t'es avec nous, il ose pas rentrer. Il est trop timide. Il aurait vraiment il pas gentil, eu le temps d'en placer une, tellement il y avait deux choses à dire pour ce podcast incroyable sur le début de Buffy en série télé. On va donc dire au revoir à nos auditeurs. Hein, bah, okay, ouais. On les laisse tranquilles. Il est super tard. C'est l'heure d'aller dormir. Merci le chat d'avoir été là. Merci le chat. Et on fait des gros bisous au bout de 3 heures. On se retrouvera à la rentrée. C'est pas du tout le bon jingle. On se retrouve en septembre. On se retrouve le prochain podcast. En septembre, tout à fait. Il y aura même c'est sûr pas de podcast en août. Il n'y a pas de piscine en août. On va aller glander à la mer ou à la piscine. Et on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures. Vous mettez des commentaires sur le site, des le concours. Des commentaires, des 5 étoiles. Pensez à participer au concours, même si la question est très très dure. Voilà, il y a un pass pour le fan meet à gagner. Merci à tous. Merci cool à tous d'être là. Merci beaucoup. C'était sympa. Merci le chat. C'était énorme. Bien ce double épisode. Faut refaire des doubles épisodes. Hein. Ah non, ouais, c'est trop dur. Mais pas l'été. Becoming et tout. En pas plein été. Allez, gros bisous. L'hiver. Ciao. Tchuss. Salut.